d'excentricité. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Sébastien F. Cartin et Myriam Lortie seront là pour leur chronique du journal Zone Campus. Et on se faufilera encore une fois dans les coulisses de la lutte avec Gabriel Béhoud. Assemblage requis commence maintenant. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, l'émission nationale en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières en ce mardi 9 décembre 2014. J'aurais pas pu mieux dire. Non, t'aurais pas pu mieux dire. Comme la co-animatrice de l'émission qui nous précède, Assemblage prérequis, t'es souvent d'accord avec elle, hein? Oui, je trouve que cette fille-là a bien du bon sens. Puis en général, on a les mêmes besoins. On a les mêmes valeurs, moi, je trouve ça fun. La même fréquence de vocale, mettons, fréquence de vocale, on appelle. Ah oui, j'avais pas remarqué. Même timbre sonore de voix. OK. Ouais. Donc, bienvenue à Assemblage requis. Aujourd'hui, à l'émission, Steph, je te renseigne sur le plan de l'émission. Ça va être bien, bien compliqué. Okay. Quand même, beaucoup de monde. OK. À 8h, on va voir la chronique de la huître. Ça, c'est Gabriel Béhoud. À date, ça va? Ah là, ça va. C'est une nouvelle chronique de la semaine passée. Donc, on continue comme ça. Puis après ça, on arrête pour la pause comment on appelle ça? La pause hivernale. Non, mais jamais trop tard. Jamais trop tard pour bien faire. Ensuite, à 8h30, Myriam Lortie, le journaliste de campus. Mm-hmm. Elle va nous survoler ça, toi, actualité, hors spectacle, société, sport. Dans un ordre, pas vraiment celui-là, mais un autre. Non, un autre ordre. Un autre ordre. En fait, il y en a deux qui sont inversés dans le milieu. Mais c'est pas mal ça. Ensuite, à 9h, tu vas nous faire sa plus simple expression. Bien sûr. Sur les expressions les plus simples. Hein. C'est... Ouais. Les descriptifs des chroniques sont à retravailler. Donc ça, c'est à 9h. Mais on va débuter à l'instant même avec Sébastien Vigartin, qui est en studio avec nous en ce moment. Ça va bien, ouais? Ben oui, vous autres. Ouais, pas pire. Tellement. Mais oui, 3h30 de semaine. Correct. C'est juste assez pour pouvoir se mettre le cerveau comme vraiment à un matin, pour pouvoir comprendre les sujets de l'actualité. Voici la chronique éditoriale de Sébastien F. Gertin. Sébastien F. Gertin, éditorialiste du journal Zone Campus. Des fois, pas tout le temps. Ça arrive. Une fois ou deux semaines, le reste du temps. Le reste du temps, je suis bien tranquille chez nous, puis ça reste de même. Non, c'est ça. Sébastien F. Gertin, F évidemment pour... Toi, tu dis frivolité. Frivolité, se forcer à écrire quelque chose de bon. Oui, effectivement, on se force. Flagrant délit de cohérence, mettons? On essaye. Flabbergasté. Des fois, on l'est pas tout le temps. Par ce qui se passe. Exactement. Hey, on est dans... Vous le saviez-tu que j'avais rien de préparé à matin? Ou... Ben ça, c'est tout pour la chronique, finalement. C'est juste de trouver une définition à ta Fini. Lettre. Non. Mais c'est le dernier éditorial de la session d'automne. Effectivement. De quoi est-ce que tu nous parles? Justement, étant donné que c'était le dernier, puis que là, c'était dur de commencer quelque chose d'autre, parce qu'il y avait plein de sujets qui méritaient quand même... Qui méritait ou qui t'irritait? Oui, effectivement, qui irritait. OK, mais OK. Mais aussi qui méritait, M-E, accent aigu, un traitement peut-être plus sur le long terme. C'est-à-dire qu'il y avait des nouveaux faits, mais que ça méritait peut-être qu'on attende un peu. Fait que j'ai une grande partie de ma chronique, en fait, qui est une réflexion sur à quoi ça sert un éditorialiste dans la vie. Non. Parce que quand tu étudies en philo, ben t'as tendance à réfléchir à des affaires que le monde se casse pas la tête avec. C'est vrai ça. Nous autres, on se casse le biscuit avec un peu de tout puis n'importe quoi. Ça s'enferge dans les fleurs du tapis pas mal, puis ça suranalyse, puis ça va trop loin. Je dirais pas sûr, mais on analyse beaucoup. Oui. C'est ça notre but, puis comme n'importe qui, dans n'importe quel domaine, ben Manis, ça transparaît dans la vie de tous les jours. Fait que ça s'appelle la déformation professionnelle. Ouais. Fait que c'est ça. J'ai réfléchi un peu à, justement, tu sais, de ce que j'avais appris avec Myriam, notre rédactrice en chef. On est allé, moi et elle, on est allé à une formation à Montréal qui était organisée par Quartier Libre, qui est le journal de l'équivalent du Zone Campus, mais à l'Université de Montréal. Eux autres essayaient de fonder, en fait, une espèce d'association de journalisme étudiant. Mm-hmm. Puis c'était un peu dans le cadre de ça qu'ils nous avaient invités. Puis on a eu des formations, justement. Puis entre autres, il y avait... son nom me revient pas, mais il écrit dans... François Cardinal, c'est ça. Qui écrit dans le... Il fait qu'il écrit dans François Cardinal, c'est ça? Excusez, je cherche mes mots le matin. Il s'auto-tatoue. Ouais, c'est ça. François Cardinal qui écrit dans la presse, il écrit surtout des genres de chroniques à propos de la vie à Montréal, tu sais, surtout les nouveaux règlements municipaux et ces affaires-là. Qui était venu nous écrire parce qu'il y a apparemment qui a un peu touché à tout, lui, puis il est pas venu nous écrire, il est venu nous parler un peu des différents rôles dans un journal. Okay. Il disait, lui, l'éditorial, c'est facile. T'sais. Tu prends un pour un contre, tu fais un beau texte argumentatif comme mon secondaire, puis tu sais, c'est ça, dans le fond. C'est ça, un éditorial. Juste comme, ouais, c'est bien le fun sur la technique, c'est comme, effectivement, c'est un peu ça le but. D'ailleurs, c'est le fun, ça m'aide à recentrer un peu. Ça aide à faire la différence avec une chronique simple, entre autres. Mais... à quoi ça sert de faire ça? Puis c'est là que le petit hamster s'est mis à virer. À quoi ça sert de faire un texte argumentatif dans un journal? C'est quoi, ma vie ne vaut rien? Tu sais, je veux dire, un journal, le principe, c'est de rapporter de l'information à la base. Tu sais, c'est le droit du public de savoir. D'ailleurs, un autre intervenant dont le nom m'échappe totalement, qui est un prof de déontologie journalistique à l'UDM, il disait que non, c'est le devoir d'informer le public. Puis, tu sais, bon. Ben, c'est d'être un filtre aussi des nouvelles. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas? Il y a un peu de ça. Puis moi, ce à quoi j'en suis venu, c'est que dans le fond, là, l'idée, puis les chroniques, c'est un peu ça aussi, en quelque part, c'est que t'as les journalistes qui rapportent vraiment comme l'information brute. Là, les gens se font veux pas un peu une idée, une opinion par rapport à ça. Parce qu'un journaliste vraiment là, qui fait un reportage, là, où. Un travail de fond. Un article de nouvelles normale, là, okay, même pas un travail de fond, là, même une brève. Son opinion n'est pas vraiment censée transparaître. Peut-être pas hors spectacle, c'est un peu différent, oui. Là, mais faut que le ou la journaliste parle un peu du mood. Puis de bon, c'était-tu bon? Le monde avait-tu l'air de triper? Puis là, c'est un peu plus subjectif, mais c'est quand même l'idée, c'est de faire que le monde qui n'était pas là manque pas trop. L'éditorialiste là-dedans, qu'est-ce qu'il fait? Mm-hmm. L'éditorialiste, la différence, c'est que c'est ça, c'est que les gens commencent à se monter une opinion, puis ainsi de suite. Puis là, le but de l'éditorialiste, ça va être un peu justement de défendre une opinion. Puis le but de cette opinion-là, le but de défendre ça, ben, ça va être de permettre aux gens d'évaluer un peu leur opinion. Tu sais, de réfléchir là-dessus. Réfléchir sur leur propre opinion, en fait, de pas juste ah, ben, ils ont dit telle affaire, ça veut dire telle chose. Tu sais, je pense entre autres. Il y avait la première grosse manifestation le jour pour l'austérité. Il y avait le jour de l'austérité, oui. Hey, ça n'a pas d'allure ce que je disais matin. L'austérité Day, comme on l'appelle. Oui, l'austérité Day. Il y avait eu une première grosse manifestation, je ne me rappelle plus de la date. C'était pas le 31 octobre, justement. Affaire de même. Possible. Moi, j'étais pas allé. Pis... les plans me gâchaient l'Halloween. Oui, c'est ça. Il y avait... ben, ça fait des maudites belles manifestations, l'Halloween, en fait. Mais... l'Halloween, à la base, c'est une manifestation. C'est du monde costumé qui déambule dans les rues. Ouais. Le but, c'est les bonbons. Là, mais il y a quand même quelque chose de... Ouais, ça n'a pas le même impact social. Non, c'est ça. En place des chaudrons, c'est sortir vos citrouilles de plastique. Ouais, c'est ça. Pas de ça résonne pareil. Ah ouais. Mais non, c'est ça. Puis c'est que cette journée-là, il avait sorti un article comme... C'était son nom de famille, c'est Veil, son prénom m'échappe, mais c'était justement dans la presse où ce qu'il critiquait, il faisait comme une espèce d'étude pour critiquer ce que le recteur de l'Université de Montréal justement disait à propos du supposé sous-financement des universités. On voit nos locaux en général, on le sait que l'université comme serait pas ne se poserait pas de questions à faire si son budget augmentait. Quoi faire. Cependant, c'était comme en 2012, on disait non, les universités ne sont pas comme chroniquement sous-financées, surtout quand tu fais des mauvaises comparaisons avec le reste du Canada où que la valeur de plein de choses est complètement différente, puis ainsi de suite. Puis lui, c'est vraiment un défenseur de ce point de vue-là, on manque d'argent pas parce qu'on n'est pas capable de faire telle affaire ou qu'on manque, les locaux ont besoin d'être réparés, puis non, on manque d'argent parce que dans le reste du Canada, il y en a plus en chef absolu. Fait que bon, c'est ça. Là, c'était lui, il démolissait un peu cet argumentaire-là. Veil, en tout cas, V-A-I-L-L-E-S. Je me rappelle vraiment pas de son nom, son prénom, mais en tout cas. Veiles. Mais c'est ça. Puis là, tu sais, je repose l'article, puis là, tout le monde, je vois tout le monde que je connais qui sont de droite, puis qui sont pour les coupures à tour de bras, puis qui ont voté pour le PLQ, puis qui avaient voté pour la CAQ avant, puis tout, qui s'en vont liker mon article, puis je suis comme, non, mais man, vous comprenez pas. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais dire. Fait que là, essaye d'expliquer un peu, puis je suis comme, ok, non, never mind. Ça, celle-là, je l'ai laissé échapper, celle-là. Est-ce que ça serait Francis? Francis Veil, ouais, c'est ça. Oh, t'en plein ça. Il est comme chauffe un peu sur le dessus, mais il compense d'un côté. Il est comme épais de cheveux, mais. Je suis quand même pas allé dans Google coco, Images. C'est le princesse Léa masculin. Pas nécessairement. Ouais. Non, mais c'est que. Je dis ça, c'est pas pour rire de lui. Je veux dire, je vais être chauffe dans une coupe d'années, moi aussi, mais. C'est parce que sur sa photo dans la presse, il est vraiment comme facilement reconnaissable. Tu sais, il y a comme un genre de portrait assez typique. Fait que c'est ça. Dans le fond, je réfléchissais tout sur le tu sais, comment est-ce que des fois, tu appréhendes la nouvelle d'une manière, puis finalement, ouais, mais tu tires des conclusions rapides, puis finalement, il y a vraiment, si tu avais pris la peine de plus confronter ton opinion, tu aurais eu plus de tu sais, tu aurais peut-être eu une opinion différente, tu aurais peut-être eu une opinion plus nuancée en partant. J'ai l'impression que c'est souvent, d'ailleurs, ce qui se passe dans les journaux, c'est qu'il n'y a pas de bons éditoriaux jusqu'à un certain point. Puis le monde se font des idées, puis là, tu vois, surtout dans les commentaires sur les réseaux sociaux, tu vois le monde qui commande des affaires, puis tu te dis, ouais, mais t'as pas compris ce que la nouvelle veut dire. Ah, puis souvent, t'as pas lu l'éditorial avant le temps. Les gens, ça commente n'importe comment. Fait qu'en tout cas, c'était un peu la mission que je m'étais donnée, là, surtout à partir du moment que j'étais allé à cette fameuse formation-là. J'ai essayé d'appliquer ça un peu. Ça a peut-être moins paru dans l'article écrit, mais justement, j'en profite, je me reprends un peu ici. Ben c'est ça, améliore, c'est pour ça, la radio, c'est comme une coche en haut du journal. Hein, coche en haut, je dirais pas, mais en tout cas... T'es tout seul à penser ça. Ouais, je le pense pas vraiment, non. C'était surtout pour t'empêcher d'enfler, parce que sinon tes écouteurs allaient comme popper en dehors de ta tête. Merci, moi, ils sont pas fait fort, ils vont sûrement me péter dans... Mais non, c'est ça, je revenais un peu sur le « yet again ». Anglicisme. Oui. Tu sais, comme faire une boucle avec le début de la session. Oui, exact. Les encore qui continuent scandale dans la haute direction de l'UQTR. Il y a encore des poursuites, des ci puis des ça. Puis là, le dernier en date, puis là, je ne sais pas, lui en particulier, ça a l'air d'être c'est un cas un peu spécial dans la situation que je vais parler après, mais c'était un prof qui était candidat à la présidence du syndicat des profs. Parce que... Puis là, là-dessus, j'ai vraiment manqué ma shot. Je suis zéro informé sur pourquoi est-ce que l'ancien président, M. Baillargeon, a démissionné. Baillargeon! Elle n'a pas mélangé, d'ailleurs, avec Normand Baillargeon. C'est pas la même personne. Non. Mais d'ailleurs, son prénom, là encore, m'échappe. Mais c'est ça. Les prénoms, toi, aujourd'hui, Ça va pas bien. Ça paraît quand que j'ai pas fait ma recherche la veille pour tout avoir en tête. C'est ça. Donc, puis là, ce monsieur-là... Pierre Baillargeon, c'est ça. Es-tu rapide, hein? Là, à cette heure, faut trouver le nom de celui qui était le fameux candidat qui a eu des problèmes. Puis l'acteur qui joue en télémission aussi. Là, sur... je vais parler de l'autre monsieur. Je vais dire, l'autre monsieur, on va comprendre que c'est celui duquel il est question et non M. Baillargeon. C'est que celui-ci, ce qui serait arrivé, c'est qu'en sa qualité de postulant au poste, de postulant au poste. Ouais. Ça a l'air de genre d'affaire que tu dirais. Toi. Postulant au poste, oui, c'est la littération. Au poste de président lui, il considérait ça important de se présenter sur certaines instances, notamment sur les histoires de ressources humaines. Puis, il y a eu un directeur du service de l'équipement, parenthèse, service de l'équipement, c'est assez large ce que ça fait à l'université. Ouais. En fait, comme le nom le dit, s'occupe de l'équipement, c'est-à-dire que ce soit des meubles, des chaises de bureau ou notre nouveau courriel de l'UQTR qui ont décidé de tout nous fucker le système. Outlook, Microsoft, à deux semaines le de la devil. Fin de la... Ouais, c'est ouais. Ça. À deux semaines. Ben, remarque-moi, grâce à ça, à cette heure, j'ai Office gratis sur mon ordi. Ben, Office pour Mac, ça vaut une couple de 100$. Il y a des avantages à tout, là, mais il y a aussi, on se casse les biscuits un petit peu. Comme mais c'est ça, faire ça à deux, trois semaines de la fin de session, c'était un petit peu... Ouais. Je vais pas dire le mot que je pense. Il est plus fort pendant les vacances. Ou cet été. Ou cet été. Ouais. Ou n'importe quand, sauf maintenant. À peu près comme, mettons, à la troisième semaine du début de la session, ouais. C'est un beau moment. T'sais, au début de la session, t'as tes débuts de cours, les profs ont besoin de te rejoindre. Rendu à 3-4 semaines, t'as plus grand chose de pressant avant une couple de semaines encore. Fait que t'as plus le temps de taponner là-dessus. Il faut faire suivre les instructions, ça, pour mettre puis ça va mal parce que Microsoft. Parce que Microsoft. C'est ça. Voilà. Ouais. Hein? André, j'ai manqué quelque chose, je cherchais un nom, puis là, je reviens, ça parle de Microsoft. C'est-tu Éric Chartier? Ça se peut. Ça se peut, ça. Mais ça semble être le, ça. Le nom est pas grave, en fait. On va finir notre conversation de McFreak, là. Oui, oui. Okay. Donc, on est deux fans d'Apple, là, mais... Ouais. Mais où c'est que, ça. Outlook, courriel, service d'équipement, c'est eux qui gèrent ça. Je sais pas, je pense que c'est le soutien technique Internet. Non, le soutien technique, en fait, c'est... En fait, je sais pas c'est qui gère ça. J'ai l'impression que c'est... Ouais, c'est ça. Je pense qu'en fait, ils sont considérés comme de l'équipement du service d'équipement, genre, ou je sais pas quoi. Là. Mais en tout cas, je sais pas leur salaire, parce qu'ils sont payés, eux autres, leur salaire. Je sais pas d'où ce qui vient exactement. Mais en fait, c'est des bourses, là, mais... Ouais, bref, je sais pas la bourse vient de où exactement, de quel budget, mais en tout cas, d'après moi, ça doit être pas loin du service d'équipement. Bref, le service d'équipement, ça reste large. Ouais. C'est un gros poste être directeur de ça. Puis on a eu, y en a un qui s'est fait mettre dehors après peu de temps en poste. Je pense que c'était de quoi comme un an que ça faisait qu'il était engagé. Puis là, le monsieur que on pense que ce serait un monsieur Chartier a décidé d'aller à réunion du comité de ressources humaines où ce qui était question de ça, parce que là, bien sûr, le monsieur qui s'est fait slacker a fait une plainte pour je sais plus trop quoi, là, pour licenciement abusif, comme ce qui est bien à la mode à l'UQTR, le congédiement abusif ou une affaire de même. À l'AGE, il y a eu ça aussi. Puis, oui. Il y a plein d'autres. Oui. Oui. C'est une autre histoire, ça, d'ailleurs. Oui, c'est aussi dans un autre campus. Lisez ça. Oui, c'est vrai. C'est juste à côté de l'éditorial, je pense, ou en tout cas dans les pages proches, c'est-à-dire l'actualité. Ouais. C'est un gros sujet. Moi, je voulais pas en tout me mouiller là-dessus parce que c'est tous des anciens collègues et tout ça. Puis en tout cas. Mais, puis là encore, il y a plein d'affaires sur ce sujet-là qui sont devant les tribunaux puis qu'on peut rien dire. Puis là, justement, vu que ça s'est comme pas mal réglé, peut-être qu'on va plus savoir de. On va plus savoir de qu'est-ce qu'il y en a. De vrais détails. De vrais détails, mais c'est ça, c'était. Il y a du monde, il y avait du monde qui avait fait des gros pétages de coche sur la culture du secret à l'AGE parce qu'il avait pas voulu révéler des choses en AG, mais c'est parce que c'est comme la loi. Légalement, ça pourrait leur retomber dessus. C'est si ça, tu sais, là, c'était devant. Il y avait un procès d'intenté. C'était pas la même affaire. Le service aux équipements. Ouais, le service de l'équipement, donc c'est ça. Puis là, le monsieur peut-être futur président du syndicat des profs. C'était pointé là et c'était fait dire par des gens. Puis là, je me base sur un ou deux articles dans le Nouvelliste. OK, OK. Pour dire ça. Il s'est fait dire en étant là-bas qu'il n'y avait pas d'affaires là, puis qu'il s'y décidait de venir. En tout cas, des gens de menace. Puis là, il s'est rendu compte qu'il y avait peut-être du monde qui avait intérêt à le garder en dehors de certaines choses, puis qu'il s'est fait un petit peu monter un dossier de renvoi. T'sais, une petite méthode poche là, de syndicat. Là, de... Ben, pas de syndicat, en fait, c'est le contraire, là, de patron. Là, de monter un dossier, parce que pour mettre quelqu'un dehors quand il est syndiqué, tu peux pas faire ça de même. C'est chercher des bébites un peu. Chercher des bébites. Tendre des pièges, peut-être. Mais... Ça, c'est bien sûr. Là, on reste dans ce que ce monsieur-là allègue. Oui, présumément. Présumément. Mais moi, ce que ça m'a amené à réfléchir, c'est que. Ouais, mais tu sais, il y en a eu en masse des licenciements du QTR. Puis là, on est porté à prendre le bord des anti-gazaliers, comme j'aime le dire en privé. Oups, je viens de dire ça à la radio, en tout cas. C'est genre nous trois, ça. Il y a comme un anti-culte de la personnalité de Mme Gazali, des fois, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de choses qui passent sur le dos. Puis apparemment, moi, je l'ai pas rencontré régulièrement. Je l'ai pas rencontré souvent quand j'étais à l'OGA, entre autres. C'était pendant la campagne au rectorat, que c'était elle contre M. Delisle, qui est encore là d'ailleurs, qui est comme un des derniers vice-recteurs de la vieille gang. Okay. Je trouve ça drôle, mais en tout cas. J'avais fait d'ailleurs une grosse chronique une chronique en deux parties là-dessus l'année passée. À l'hiver dernier. Je pense que je donne la référence dans mon texte d'ailleurs. C'est ça, tu sais, dans le fond, Mme Gazali se fait souvent reprocher un peu tout ce qui se passe mal parce que ça a recommencé supposément quand elle est arrivée comme rectrice. Moi, de ce qu'on m'a dit, apparemment, que la madame ne mange pas ses mots et quand elle décide qu'elle fait quelque chose, elle le fait. De là à dire que c'est de sa faute, tout ce qui va mal présentement dans les questions de ressources humaines à l'UQTR, c'est de sa faute, point, parce qu'elle aime ça chicane ou je sais pas quoi. c'est là que je trouve mon rôle d'éditorialiste embarque, parce que c'est ça qu'on est porté à penser, c'est que la rectrice, elle pète sa coche, puis elle met tout le monde dehors, puis c'est pis ça, puis bon. Il y a une affaire, c'est qu'elle, elle est arrivée en disant elle-même qu'elle voulait comme cleaner un peu à la place. C'est-à-dire que elle avait un peu une mission de là, le copinage, puis ces affaires-là, ça arrête ça. Ouais. Donc là, des fois, on peut se demander, tu sais, c'est que là, on prend le côté des victimes, entre guillemets, de ce clinage-là, parce que eux autres, c'est pas compliqué, ils se font mettre dehors ou se font montrer la porte ou se font suggérer, ils se font suggérer de changer certaines choses dans leur comportement qui fait que finalement, il y a mieux sacrer leur camp, puis après ça, ils ont le beau jeu d'aller appeler le nouveliste puis de dire « Ah, j'ai encore été injustement poussé, tassé, puis là, bon, là, ils sont en train de tout monter un beau dossier de presse contre... contre la rectrice, puis bien souvent, malheureusement, là, je fais peut-être un peu de chauvinisme, mais je trouve que le nouveliste, ils vont pas mal one side. T'sais, oui, ils vont appeler, mettons, comme la dernière fois, ils ont appelé le président du CA dans ce cas-là. Puis là, je suis pas en train de parler contre M. Chartier. Présumément Chartier. Présumément M. Chartier. là-dessus, mais tu sais, la journaliste qui lui a parlé, elle a appelé le président du CA de l'UQTR, puis lui a dit « Ah, tout va très bien, tout va très bien. » C'est tout ce qu'on en sait. C'est donne un accent présumément encore. C'est ça, tu sais. Ben, je pense pas que c'est un anglophone, mais en tout cas, ça me rappelait d'autres gags de quelqu'un d'autre. Bref. C'était, nommément, c'était Marc Labrèche qui me disait Stephen Harper. Okay. « Tout va très bien. » Ah, c'est bon. Mais non, c'est ça. Tu sais, il y a pas... Oui, OK... Il y a comme le devoir de base d'aller appeler l'opinion inverse pour savoir qu'est-ce qu'ils ont à dire. Mais tu sais, c'est pas eux autres qui vont faire une nouvelle, tu sais. Mm-hmm. Ça fait bien plus une nouvelle de faire « Ah, il sent encore un truc abusif, ça va donc mal à l'UQTR. » Puis tout, pis là, le monde qui arrive qui dit « Non, on slack du monde qui pose problème. » Ah ben là, ça, tu sais, c'est pas fin, ils perdent leur job, puis tout. C'est bien plus facile de prendre cet angle-là, puis je trouve ça plate parce qu'ils prennent juste cet angle-là, le nouveliste présentement. Donc là, ça donne l'impression qu'on a un tyran à la tête de l'UQTR, puis sans dire que, tu sais, je veux dire, elle a ses défauts aussi, mais je pense qu'on exagère certaines choses quand même par rapport à la rectrice. Tu sais, à un moment donné, c'est parce que faut comprendre aussi que l'UQTR, puis ça, je m'excuse, mais c'est quand même un peu un fait, préalablement à ce qu'elle soit élue, c'était un peu une chasse gardée, les autres instances de l'UQTR. T'sais, c'était un je m'excuse, mais c'était quand même un certain groupe de gens. Quand je parlais de la vieille garde, c'est parce qu'il y avait une garde. Là, il y avait vraiment un certain groupe, un boys club, vieux hommes blancs. De vieilles familles de trifluviennes, d'ailleurs. Voilà. Là, pour les Gabières, c'est les Gabières, je veux dire. C'est le même, c'est le même. Il était secrétaire général de l'université pendant un bout. D'ailleurs, lui-même était sorti pour dire qu'il avait été tassé, mais c'est parce qu'au moment où qu'il aurait été tassé, il était déjà plus en poste. Mais en tout cas, okay. Oh. Son mandat était fini, parce que ça, je pense que c'est un mandat comme, un peu comme recteur. Là, c'est juste un certain nombre d'années. Mm-hmm. Fait que c'est ça. C'est un peu là-dessus que je voulais en venir. C'est qu'on a tendance, des fois, à faire des conclusions hâtives. C'est-à-dire qu'on regarde ça, puis là, ah, ben, si on se fie aux médias, la rectrice et ses proches, c'est des gros méchants qui mettent les gens dehors. Puis non, finalement, peut-être que la réalité est peut-être un peu plus complexe que ça. Puis c'est un peu ça, la job d'éditorialiste, de dire, oui, regarde, on rapporte certaines choses, ça a l'air de ça, mais n'oublions pas qu'il y a tel autre point de vue qu'il faut quand même prendre en compte, même si on l'a pas dit dans la nouvelle à ce moment-là, parce que là, ça devenait un peu plus de la job critique, puis c'est moins le travail des journalistes. Font juste, ben pas juste. Il y a tout le temps une certaine forme de débroussaillage, mettons, que le journaliste doit faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que je mets dans l'article, qu'est-ce que je mets pas, tu sais, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui est assez avéré, qu'est-ce qui l'est pas, puis ainsi de suite. Mais c'est ça, tu sais, il y a vraiment une job après ça critique de qu'est-ce qu'on en retient de ça, puis ça, ben c'est les chroniqueurs puis les éditorialistes qui font ça. Fait que bref. C'est beaucoup de travail à faire pour toi, mais il faut bien que quelqu'un le fasse, hein? Ben, c'est ça. Puis moi, c'est le fun, tu sais. Ça reste un peu dans mon domaine, tu sais. En philo, c'est quand même un peu ça tout le temps qu'on fait. C'est tout le temps des textes argumentatifs. Fait que tu sais, ça reste assez proche. D'ailleurs, je me suis fait reprocher par des profs que je sonnais un peu trop éditorial des fois dans mes travaux. Là, en tout cas, ça, c'était une autre affaire. Une chose en entraîne une autre. Ouais, c'est ça. Certainement. Donc, on te lit aux deux semaines dans Zone Campus. Là, c'était le dernier numéro qui sort, en fait, aujourd'hui, mardi. Et après ça, au mois de janvier, puis huit numéros. Effectivement. Ça fait 16 dans l'année. Exactement. 16 bons grands textes éditorialistes. Exactement. Si on veut. Merci Sébastien Guertin. Ben, ça me fait plaisir. Merci. C'est Guertin. Ah, c'est quoi son prénom? Il fallait que je dise parce que t'as oublié les prénoms aujourd'hui. C'était ça que je voulais faire à la fin. Guertin, voyons. Guertin. Hey, cherche-moi ça sur Google. Ouais. Attends un petit peu, là. Hey, Guertin. Hey. Vite, plus vite. Guertin, Zone Campus. Guertin, Zone Campus. C'est. Très beau site en passant, Zone Campus. Félicitations. Ah, c'est Sébastien F, je crois. Ok, ça dit pas le F, ça à quoi? Hein? Non. Ben non. Puis même si tu vois, c'est mon baptistère, c'est pas écrit. Il y en a pas. En fait, ça existe probablement pas. Hein. T'es comme un RBO. Ouais, Richard Zetirois. Et Sébastien Guertin, même combat. Ben, et Guillaume fait... Lepage, je pense que c'est le seul que le A veut dire quelque chose pour que eux. Je pense que tu veux dire ça, ouais. C'est ça. Ben, je peux le dire, c'est que c'est le nom de famille. C'est le nom de famille de. Mais dans mon nom légal, puis tout, c'est vraiment F. Point, OK. Mais c'est le nom de famille de ma. C'est pour le nom de famille de ma mère qui est Frigon. Ah! Mais c'est vraiment F. Point sur ton. Dans ton ouais, c'est mon baptistère, c'est. Gentil, la série de prénoms, tout. Ouais. Tu n'utilises pas le genre Joseph, c'est le nom de ton père, le nom de ta mère, le nom. Tout, là. Puis après ça, Sébastien F. Point Guertin. Spécial, pareil. Ah, ben, ça veut dire que tu n'aurais pas le droit d'utiliser le nom complet. Ah. C'est vraiment F. Point. Non, tu peux, c'est juste parce que mon prénom est long puis que ça commençait à faire nom, les deux noms de famille au complet, puis c'est pour ça que mes parents ont mis ça de même. Mais ils tenaient à ce que j'aille quand même le nom de ma mère. Super, c'est ça. C'est l'histoire. Oui, c'est bien. C'est la journée des. C'était autobiographique, Tranche de vie. Tranche de vie. Parce qu'on a Gabriel Béoud tantôt qui s'en vient aussi, tu sais. Puis là, on a su la semaine passée que le B c'était Beaunoyer. Fait que là, c'est Beaunoyer, puis c'est Frigon. Beaunoyer et Frigon, on dirait une firme d'avocats. Ben oui, mais fais juste aligner 3-4 noms de famille, ça a l'air de cabinet d'avocat. Ouais, c'est ça, ça a l'air de cabinet d'avocat ou de comme de loi de Samson et Touche. Ouais, c'est Touche. Il y a un gars que je connais qui était en marketing ou je sais plus quoi, il appelait ça de loi de Samson et Touche-moi la peau, s'il te plaît. Mais si ton nom de famille, c'est Touche, il faudrait vraiment que ton surnom soit Tap comme Tap Touche. Justement, parlant de ma mère à cause de son nom de famille. Parlant de ta mère... Ouais. Il y avait, ma mère, elle vient de Shawinigan, puis à Shawinigan, il y avait apparemment une madame qui s'appelait, que son prénom était Elvire, quand ma mère était bien jeune. La madame s'appelait Elvire, c'est un vieux prénom. OK. Ça fait qui a marié, qui vivait sur un coin de rue. Oui. Puis ça s'invente pas, ces affaires-là. Elle a marié un haut coin. Elle s'appelait littéralement Elvire au coin. Aïe. Parce que c'était dans le temps que les femmes prenaient le nom de famille de leur mari. Puis, il vivait en plus sur un coin de rue. C'était déjà drôle que le monsieur au coin vivait au coin de la rue. Mais en plus, sa femme s'appelait Elvire. Ah, c'est magnifique. Les noms et les prénoms, des fois. Là. Des fois, ça fait. Tu peux pas dire que c'est parce que ses parents ont manqué de discernement. Parce que si tu t'appelles au coin, clairement, t'appelles pas ta fille Elvire. Mais là, elle a marié un au coin. Là, tu peux pas t'empêcher de marier quelqu'un à cause de son nom. Tu sais, c'est ça, maintenant. Mais qu'est-ce que tu fais, t'sais? Tu mets pas à l'envers, des fois ça va être bizarre si tu fais au coin Elvire. Fait que non, t'as pas besoin de mettre dans l'envers. C'est un poème mauvais. Moi, une affaire que je me demande dans la vie, dans le même genre, c'est un petit. Tu sais, des fois, t'as des gens de. J'hésite à appeler ça un fantasme, mais tu sais, des petites affaires que tu veux que ça arrive à m'amener. C'est, mettons, une femme qui s'appelle René, tu sais, René E, là, ouais. c'est un prénom de ça femme aussi, quoi. Qui marie un monsieur qui s'appelle René de nom de famille. Tu sais que ça s'appelle René. Oui. Oui, ça serait fou, ça. Il n'y a pas un Pierre, quelque chose comme ça. Il y en a, là, ça, des gens de même. C'est spécial. Je sais pas. Des parents bizarres, tu sais. Mais bon. Mais c'est même pas bizarre, tu sais, c'est mettons. Je veux dire. C'est bizarre. Ouais. C'est bizarre. C'est bizarre. Ouais. Cela étant dit, donc, dans un mois et quelques, pas facilement passer ça. Ah, plus que ça, plus que un ça. Un mois et demi. Viens ouais, pas, va-t'en. 4 ans, Colin, de vacances, hein, oui. Donc, Sébastien F. Guertin et la chronique éditoriale du Journal Zone Campus. En fait, si je me rappelle bien, on en a une prête pour la rentrée parce qu'on a une date de tombée là. À la fin du mois de décembre ou mi-décembre, C'est genre le 15. Exactement. Pour des raisons que vous n'avez pas besoin de savoir. C'est ça. C'est ça. On va le dire pareil parce que monter un journal, c'est long. C'est long. C'est long. Merci, Sébastien. Monsieur Guertin. Ben merci pour en fait on va y aller dans le la fin de la session. Fin d'année toi. Ben ouais, okay. Regarde, merci de m'avoir invité puis moi j'ai rien à voir là-dedans. Ben en fait c'est pas vrai, c'est toi qui l'année passée qui m'avais invité. C'est vrai, je t'avais un peu forcé. Ouais, puis finalement je t'avais dit non à ce moment-là parce que ça me gênait trop. Puis là, c'est finalement que cette année que j'ai fait, non, ben regarde, cette année, je m'essaye. Bon, je suis bien content. Non, en fait, c'est beaucoup plus à toi que... Mais tiens, Aline, je ne m'attendais pas à ça. Félicitations, Steph. On se retrouve. Rougit, non, c'est pas vrai. Là, c'est vrai, par exemple. Dans l'intercongratulation, c'est bien le fun. D'autres remerciements de même. Fait que, ben, merci pour le. Ça a été bien le fun. Ça m'a. Oublie pas tes parents aussi. C'est important de remercier tes parents. Dieu. Qui m'écoutent religieusement à toutes les fois que je suis ici, d'ailleurs. Mais. Dis-leur d'écouter le reste de l'émission aussi. Oh, ouais, ils font. Ils font. Parfait. c'est ça. Grosé sa mère. Hein? Ben, tu sais, hein? Madame Frigo. Hey, Jeffrey. Ah, oh, ben, bon, ah, ça veut rien dire. bon, fait que là, c'est fini. J'arrête de dire merci, puis ça va aller. Ouais, moi aussi, je vais arrêter. Fait que bye. Joyeuse fête. Et, joyeux congé hivernal. Joyeux Hanouka. Bref. C'est bon, ben, ça, c'est... du Nouka. Ah non, c'est du Nougat. Nougat, excusez-moi. Non, Hanouka, c'est l'espèce d'équivalent de Noël, mais chez les Juifs. Ouais. On dirait que vous voulez pas, ça, vous en allez, genre, jamais. Comme. Non, c'est vrai. Hein. On dirait que vous voulez qu'on se parle. Je pensais que ça se mangeait, du Hanouka. Non, ça, c'est du nougat. Subtilement fermer ça ici. Bon, subtilement on va y monter ça. Fait que bonne semaine. Bonne fête, oui. Joyeuse fête et à la prochaine. Happy birthday! Bye! Au retour, c'est Gabriel Béhoud, un autre avec une lettre dans son milieu de nom. Et la chronique dans les coulisses de la huître. Bonne journée de l'oiseau. De l'oiseau. Birthday. Caca! Je m'excuse. Caca! Fou de merveilleux. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mardi matin. Nous sommes le 9 décembre 2014 et Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Dans quelques instants, Gabriel Béhoud et la chronique de la Luître, la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Mais avant ça, on a le temps pour une petite chanson. Oui, on n'a pas encore écouté. On a écouté. Non, t'as raison, on n'a pas écouté de musique du tout depuis le début. Ben non. Donc écoutons Orange O'Clock. Voici Home Run. Ça, c'est fou. Dans vos oreilles! Orange O'Clock et Home Run. Assemblage requis. Snap. Hey, là, ça snap. Snap. C'est un bruit de baseball, ça. Cling, clang. Zoom, battle, wow, pif, pif. Hey, avez-vous vu? Un vrai sportif. Avez-vous vu, là, toi? J'ai inclus Gabriel Baywood là-dedans. Avez-vous vu? Ils ont fait une version complète de la tune de Zoom, battle, wow, pif, pif, les Sapindis. Tu sais, il y a un sketch d'émission pour enfants. Moi, je pense que c'est mes sketchs préférés. C'est tellement... Aussi. Parce que au secondaire, j'écoutais toujours Ramdam en dînant. Puis c'est tellement bon. Oui. C'est pareil. J'adore. Et puis, la version complète de la chanson. Un, les appendices, arc. Puis deux, Ramdam, arc. Quoi? Ah, ben, sors de notre studio qui est dorénavant le nôtre. Puis le tien. OK. C'est dans les coulisses de la lutte. Tout de suite. Dans les coulisses de la lutte avec Gabriel Béhoud. Bonjour à toi. Hey, aïe, aïe, allô. Aïe, aïe, aïe. OK. Hey, let's go. C'est... Complètement buzzant. C'est ça, oui. Avant toute chose, Gabriel Béhoud, on doit rejoindre notre chroniqueur sur le terrain qui porte aussi le nom de Gabriel Béhoud, mais qui n'est pas le même Gabriel Béhoud. Non, c'est le B qui change. C'est le B qui change tout, en fait. Ah oui. C'est... Un bain minuscule, celui-là. Ah, OK, c'est ouais, ça, la c'est juste un bain minuscule. OK, voici lundi soir le matin. Allez! Vous écoutez lundi soir le matin, la chronique sur l'impro universitaire. Alors bonjour, mon nom est Gabriel Béhoud. Je suis le reporter pour les matchs de la Luitre qui sont disputés à la Chasse-Galerie des lundis soirs. Le match de ce lundi 8 décembre, le dernier de la première moitié de la saison, oppose les oranges aux bleus. Les deux équipes ont 2 points au classement, donc ils veulent se démarquer. Alors, je ferai une entrevue avec les capitaines dans le segment face à face et je tiens à vous souhaiter, vous, chers publics et auditeurs, de lundi soir le matin, un très joyeux temps des fêtes. Et maintenant, passons au segment face à face. Face à face. Je suis avec le capitaine, l'équipe des Bleus. Vincent, comment apprends-tu le match contre les Oranges? Écoute, c'est pas parce qu'on est dans le temps des fêtes qu'on va leur faire de cadeaux. Je pense qu'on va particulièrement travailler l'emballage. On va enlever nos mitaines de four pour les déballer, puis on va aller tout de suite jusqu'au cœur des choses. Parlant de mitaines de four, est-ce que tu t'attends à un match chaudement disputé, oui ou non, Vincent? Pensez-vous leur foutre une raclée? Écoute, même si les derniers temps ont été froids, météorologiquement parlant, je crois que les bleus et les oranges ont une très belle complicité et c'est vrai que l'intensité pourrait monter facilement puis jouer un petit peu dans les coins avec le coude. Et puis Vincent, quels sont tes plans, sans être indiscret, pour la période de pause du temps des fêtes? Je crois que le secret, c'est la tourtière ou Sipout. Je pense qu'on va miser là-dessus pour reprendre des forces puis arriver d'attaque pour la deuxième moitié de la saison. Génial. Bon match et joyeux temps des fêtes, Vincent. Merci, pareillement. Face à face. Alors, je suis avec M. Zwicky, le capitaine de l'équipe des Oranges. Comment appréhendez-vous ce dernier match avant la pause? Moi, personnellement, les pauses, ça m'angoisse un petit peu. J'aimerais ça. Puis ça, je vous avais dit ça avant. Là, j'aimerais ça qu'on parle pas de la pause, s'il vous plaît. Prochaine question, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez parler de Noël, alors? Je déteste Noël. Je célèbre Hanouka. Vous êtes le pire intervieweur. Je vous avais laissé des notes à côté d'un petit biscuit en pain d'épices. Vous me respectez pas. Bon match, quand même, et... joyeux temps des festivités, comme vous voulez. Et il y a des enfants qui meurent en Afrique pendant ce temps-là! je suis avec l'étoile de l'arbitre, Vincent Rainville. Vincent, comment on sent être l'étoile dans un match qu'on n'a pas gagné? Écoute, être l'étoile de l'arbitre, c'est sûr que c'est particulièrement gratifiant, mais en même temps, tu te dis que l'arbitre n'avait pas le choix de nommer une étoile après les deux premiers choix des autres équipes. Donc, est-ce que j'étais un premier ou un troisième choix? C'est difficile à dire. Dans mon cas, Vincent, tu es un premier choix. Comment envisages-tu ton prochain match alors que la pression sera très élevée? Effectivement, après un temps de relâchement dû aux fêtes, il se pourrait qu'on soit un petit peu rouillé, mais je compte revenir en force avec toutes les anecdotes que je vais avoir accumulées durant le temps des fêtes, donc ça va certainement nourrir mon improvisation. Une fois de plus, Vincent, joyeux Noël. Hey, joyeux Annales et bonne acné. Merci. Le monde est en train de changer. Je me suis peut-être fait des idées. Je suis pas devenu celui que je m'étais imaginé. Ah, c'est grandiose! Gabriel Béhoud, notre reporter sur le terrain. Gabriel Boutentrain, Houd, comme on l'a appelé la semaine passée. C'est à peu près ça, c'est pas mal. Oui, exact. Surtout le mardi matin. Là, c'est la période de la semaine où je suis le plus bout en train. Il est le plus bout en train. Ne confond pas les deux. Donc, Gabriel Béhoud, l'autre format qui est en studio avec nous pour parler d'impro, bien sûr, dans les coulisses de la Luître. Commençons par le match d'hier. On vient d'en parler un petit peu dans l'histoire le matin, mais c'était la grosse victoire des Oranges. Exact. C'est un très bon match entre les Bleus et l'Orange, en fond. Et puis, les Oranges ont été le chercher à l'arracher, je pense. Pointage final était quelque chose comme 8-6 ou 8-6. 9 à 5, t'étais à quelques... J'étais dans un autre univers. Non, c'était bien. 9 à 5 pour les Oranges qui n'arrêtaient pas d'envoyer des joueurs de feu sur le terrain, sur l'improvisoire. Ah oui. Ça allait super bien. Encore des imitations d'animaux de la part d'Alexandre Laramé-Zwicky. Ouais, c'est une constante, ça, je pense. C'est assez payant pour M. Zwicky qui aime ça, on dirait, faire des dragons, des animaux étranges aussi. Ça fonctionne très bien. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y a eu? Une pénalité pour cabotinage, pour des trucs vraiment sexuels à dans le match? Oui. Ben, l'arbitre, elle a dit, elle aime ça sévère justement là-dessus, le cabotinage. Puis, ben, en fait, c'est les deux arbitres. Et puis là, c'est ça, on n'a pas aimé des gags un peu trop salés, même si c'est le temps des fêtes et qu'on aime ça, la bouffe salée. Mais pas les blagues, on dirait. Ce que j'ai apprécié particulièrement, c'est la sortie dans le public de l'équipe des Oranges pour aller faire une petite danse en ligne, une danse de, comment on appelle ça, de party, une conga line presque. Ouais, c'était cool ça, c'était un impro qui est sans limite, la catégorie. Ouais. Donc, les deux équipes nous ont offert une impro qui était sans limite. Les Oranges ont fait justement un petit train dans la salle. C'était dépaysant. C'est-tu celle-là? Chaque équipe a leur idée de ce qui était sans limite. Je pense que les autres, ils jouaient leur propre rôle dans le sketch, quelque chose comme ça, je ne me rappelle pas trop. Puis sinon, c'était un impro sans limite, mais il y a quand même eu une pénalité pour rudesse, mais au public. Oui, parce que le public a eu la chance de rire de Mme Mongrain qui se laissait aller dans les stepettes de claquettes. Parce qu'on a demandé absolument à Elodie Mongrain de monter sur scène pour danser la claquette, comme on a demandé à un membre du public de venir boire sa bière sur l'improvisoire. Exact. Les Oranges ont fait ça, et puis les Bleus ont fait dans leur impro, dont le public était le héros. Oui! Ça, c'était quand même cool. Et puis, c'est ça, le public a demandé à Mme Mongrain d'aller danser la claquette. C'est magnifique. Au mois de janvier, c'est là que les matchs vont reprendre. Évidemment, là, c'est la pause hivernale, donc on ne sera pas là avant le début du mois de janvier. Mais au début du mois de janvier, il va y avoir un match spécial contre une autre ligue d'impro que peut-être que les gens ne connaissent pas encore, c'est la LIB. Exact. Donc, quelques joueurs de la Luitte vont affronter quelques joueurs de la LIB dans un match spécial qui sera disputé ici à la Chasse Galerie, mais un jeudi 8 décembre. Si je ne m'abuse. C'est ce que j'étais en train d'aller voir. Je crois que c'est pas mal ça. Donc, 8 janvier, pas décembre. Oui, décembre, ce serait revenu dans le temps d'hier. Ben oui. Donc, 8 janvier, match spécial, 8 versus Libre. C'est là que ça va se passer. Ligue de Bedonden et Bedonron. Exact. Une très bonne brasserie, ça, à Montréal. OK. Micro, là. OK. Une succulente brasserie. Et puis, c'est ça, eux, ils vont venir ici affronter les gens de la Luître dans un match pas du tout amical. Non, et peut-être qu'un jour, ben, on retournera la faveur en allant jouer là-bas. Non, jamais. Non, jamais. Non, je sais pas. Non. Bonne question. Ça serait cool. Ensuite de ça, le premier vrai match régulier qui va être le 12 janvier. Mm-hmm. Ça va être les Rouges contre les Verts, mais c'est très peu important. Parce que ce qui est important, c'est ce qu'il y a après le match. Oui, oui, après, ben, dans le fond, il va y avoir le super match d'impro, j'imagine, rouge-vert. Habituel, régulier, exact, tout appareil. Et puis, ensuite, on fait comme une espèce de petit party pour la rentrée. Mais donc, le party serait sous la forme d'un iPod Battle. Un iPod Battle, qu'est-ce que c'est, Gabriel Béhoud? C'est un combat musical. Exact. Dans le fond, chaque personne arrive avec des chansons au bord. Là, vous me dites, ben, comment elle arrive avec des chansons avec son iPod? Ben là, ça dit dans le titre. iPod Battle. Donc, il va y avoir 8 participants qui seront désignés durant la soirée. Oui. Et puis, ces gens-là ben, vont s'affronter dans une joute musicale. Dans le fond, ils vont passer des extraits de chansons. Puis là, les chansons qui vont faire lever le plus la foule, dans le fond, ça va être un peu comme le principe de la fureur. Faites du bruit, évidemment, on va avoir un outil qui mesure le son. Ah, on va-tu vraiment voir ça? Oui, un audiomètre. On va vraiment voir ça? Oui, oui, oui. C'est emprunté déjà chez Loutech. Arrête-moi dans ça. C'est vrai. Et puis, dans le fond, les personnes qui vont obtenir la plus grande acclamation passeront au round suivant et affronteront une autre personne. Dans le fond, c'est des joutes un contre un. Et puis, on se relance avec des chansons soit plus quétaines les unes que les autres ou de party les unes que les autres. Full guitar, genre. Exact. Tu sais, hein, ça rock, ça. Exact, c'est ça. Ça va être... je pense que c'est la place pour faire du air guitar ou se laisser aller la permanente. Là, fait que c'est le moment. Donc, ça va être le 12 janvier. Mm-hmm. On va vous en reparler, c'est sûr, d'ici là. Exact. Puis on va demander vos candidatures. Les candidatures, ça c'est déjà commencé, je pense qu'on a... Exact. Dans le fond, je pense qu'on peut envoyer un message sur le Facebook de la lutte. Ouais. Mais ça, j'en suis pas sûr et certain. Il faudrait que je revienne vous en discuter. C'est ça. Mais c'est sûr que de toute façon, les gens doivent être fans de la lutte et il va y avoir des messages là-dessus de toute façon. Mm-hmm. Le cas échéant, ça n'a pas le choix. Exact, exact. Dans le fond, c'est ça. Je vous invite à aimer la page Facebook de la lutte, donc la Ligue d'improvisation universitaire de Trois-Rivières. Mm. Et ça, l'iPod Battle, ça va être juste après le match. Donc, le match va avoir lieu, puis vous allez juste rester là. Aucune job de plus pour le public que de regarder et ensuite applaudir. C'est ça, de danser, de s'esclaffer, de danser, d'avoir du plaisir et puis de consommer des boissons à la chasse-galerie. Et voilà. Puis là, ben, on pourrait continuer longtemps sur le mois de janvier parce que l'autre semaine d'après, là, ça va être le match du carnaval. Mais ça, on va avoir le temps d'en reparler en janvier, c'est sûr. Certainement. Puis ça va être un très... Ça, c'est le fun comme activité dans lequel, ben, c'est sûr. En tout cas, la lutte affronte les bacs. Là. Donc, c'est ouais, des gens du public. Mm-hmm. Exactement. Donc voilà, la lutte, c'est tous les lundis à 20h, mais là, c'est terminé pour l'instant. Comme on l'a dit, ça recommence le 12 janvier. Avant ça, le match de la Ligue qui va être le jeudi précédent. Exact. Mais il y a tout le temps des matchs spéciaux pendant les congés, donc que ce soit pendant les fêtes, pendant les semaines de relâche, etc. Mm-hmm. Donc allez voir uctr.ca/impro, il y a le calendrier là-dessus. Tout est là. Et les noms des joueurs et les meilleurs moments blogués à bon escient. Exact. Sur le site et sur la page Facebook. Allez faire un tour sur les fiches de joueurs. Il y a des belles petites perles de photos. Aussi, mais... Oui, les photos sont super belles. Il y a des références à Mathieu Plante. Exact, oui, oui. C'est pas moi, Mathieu Plante. C'est Mathieu Plante, l'animateur de la lutte. Mm-hmm. C'est ça, c'est pas ça. Confondre, hein, c'est... Évidemment. Évidemment. Mathieu Plante avec un P minuscule. Avec un P minuscule. C'est ça. Mais un E majuscule à la fin. Exact. Pour faire symétrique, pour que le M masculin du début puis le E masculin de la fin. Il y en a un des deux qui est visiblement beaucoup plus beau que l'autre. Visiblement, il y en a qui est les favoris. Laisse ton feu. Il y en a ça qui est plus bedonnant. Il y en a qui prend plus soin de sa personne. Mais c'est soit un compliment ou pas. Ou une pin. Un des deux. Mais qu'on ne sait plus. Hein. On ne sait plus, c'est ça. C'est mêlant, ces histoires-là de dédoublement de personnalité. Donc, Gabriel Béhoud, on te remercie de ton bons services tout au long du mois de fin novembre, début de décembre. Ouais. Non, en fait, je pense que c'était... Début décembre, en juste fait. En décembre, mais oui. Ouais, ouais. On était le 2 la dernière fois. Mm-hmm. C'était un beau mois que t'as fait pour nous. Ah oui, c'est deux belles interventions. Ah, ficelées à souhait. Non, mais... C'est magnifique. Mais c'est moi qui vous remercie. Et en janvier, on se retrouve. Exact. Gabriel Béhoud, merci beaucoup. Bonne pause des fêtes. Bonne pause hivernale, comme je disais. On va continuer en musique. On était rendu à une autre chanson. Celle-ci, une excellente pièce du côté francophone, Steph. OK. Tu sais, en ayant la voix rauque, c'est parce que ça fait plus rock. Ben oui, c'est ça. C'est concerto rock du couleur, le couleur. Ah, son âge requis, sur C'est fou. Reste là, tantôt Myriam Lantier. couleur et concerto rock à Assemblage Requis. Dans quelques instants, ce sera la chronique sur le campus avec Myriam Lorty. Oh, la belle Myriam! Hey, tu fais des belles à tout pour elle. Et ton retour de la pause à Assemblage Requis. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. C'est drôle, tantôt, c'était Sébastien Abigartin qui me disait que la chanson thème de l'émission qu'on vient d'entendre là, à Assemblage Requis, lui rappelle un petit enfant joufflu qui joue avec ses big wheels, je pense. C'est, moi, en tout cas, c'est pas vraiment l'image que ça me donne. On va juste la réécouter, juste pour voir. Ah ouais. Il joue de la bass puis du drum en même temps qu'il fait ça, je pense. Wow. Aussi. C'est un gars productif. Bon, toi, vous êtes toujours à Assemblage Requis en ce mardi matin, 9 décembre 2014. C'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Il nous reste encore deux chroniques, sa plus simple expression qui s'en vient à 9h pour parler d'expressions communes, de tournures de phrases, comme on l'appelle. Pour ça, c'est à 9h. Juste avant, dans quelques instants, ce sera Myriam Lorty et la chronique du Zone Campus. C'est tout. C'est le plan. C'est comme ça. Que dire de plus? Que dire de plus, sauf peut-être qu'une chanson serait appropriée à ce moment-ci. Pourquoi pas? Écoutons Bright As Your Eyes de OK Go. Ah, ça, c'est une bonne idée. Mais ça, c'est bien. C'est rare. Non, pas ça, excuse-moi. C'est ici. Ah oui. Elle me fait penser à quelque chose, la toune de OK Capsule Go. Capsule Info Campus. Ouais, c'est ça, là. Ça? Du premier. Non, c'est déjà fait, ça. Non. C'est une... Non. C'est encore meilleur, ça. C'était OK Go et Bright As Your Eyes à Assemblage Requis. Steph qui est en train de m'expliquer pourquoi je toussais. Oui. C'est une réaction de mon corps. Oui, phénomène réflexe. Non, mais... Je sais pas réagir à quoi, mais bon. C'est pas grave, hein? C'est pas ce genre d'informations-là qu'on retrouve. C'est beaucoup plus pertinent que ça dans le journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Et c'est le moment, comme on le fait à chaque deux semaines, de parler du journal Zone Campus, le journal des étudiants de l'UQTR. Et on reçoit, comme toujours, la rédactrice en chef, Myriam Lorty. Bonjour! Bon matin! Ça va bien? Ça va super bien, vous autres aussi? Ah oui, ah oui, ah oui. Et c'est rendu que c'est le dernier numéro de la session qu'on se procure en ça ce moment. Ça n'a pas de bon sens, comment ça passe vite. On a la moitié de fait, si on regarde l'année scolaire. La moitié de l'année scolaire, ben oui. Ben oui, c'est le, donc numéro 8 de ce volume 10. Ça doit être en kiosque volume du... Volume 10 pour la 10e année, hein? Ben c'est vrai, c'est logique tout ça. Donc pour la période du 9 décembre 2014 au 13 janvier 2015, et sur la une du journal Zone Campus, on retrouve une nouvelle quand même importante, c'est que la GEQTR obtient gain de cause sur les frais de crédit de stage. Ouais, mais c'est ça, il était censé rajouter 20$ par crédit de stage, puis on sait qu'un stage, c'est pas un crédit, là, il y en a qui ça montait à 12 crédits, fait que là, ça avait été voté en Assemblée générale que tous les étudiants voulaient que... La GE se bat contre les frais de stage et ils ont gagné. Vous voyez pourquoi dans le Zone Campus. Ouais, faut leur donner le crédit ouais, c'est pour expliqué. Ça. Oui, tout à fait. Ouais. Si on veut. Mais aussi, dans la GEQTR, il n'y a pas juste ça. Il y a le dernier CA pour 2014. Donc, c'était le 30 novembre dernier que ça avait lieu, n'est-ce pas? C'est ça? Oui. Ça, excuse-moi, je suis pas... Tout à fait. Ouais, ben, c'était le dernier CA de... Ben, en fait, finalement, il y en a eu un spécial parce que, comme vous le lirez, il y avait eu le budget du carnaval qui a eu droit à un CA spécial dimanche soir et le budget a été approuvé. Puis il y a eu des nouvelles nominations. Dans le fond, il y avait des postes à combler. Au secrétariat général, Jean-François Chapdelaine, qui est rendu à la GE. Okay. Il y a eu aussi un étudiant, c'est Christian Bourdon, je pense, qui était à la GE aussi, lui, cet été, si je ne me trompe pas. Il avait comme remplacé. Oui. Mmh. Et il y a un autre poste qui m'échappe en ce moment. En tout cas, je sais qu'il y a quelqu'un qui est nouveau dans la GE, c'est Yannick Lefebvre. Oui, excuse-moi, c'est VP au cycle supérieur, c'est Jason Rivet. OK, voilà. Parfait. Bravo, Jason. Donc, Yannick Lefebvre, qui est le nouveau vice-président aux affaires sociopolitiques, qui est en poste depuis la mi-novembre, et on nous fait un portrait de cet homme. Oui, bien, comme fidèle à nos habitudes, hein, à chaque fois qu'il y a un nouveau qui entre en poste, on fait un portrait. Donc là, on va en avoir possiblement trois pour le prochain numéro, parce qu'on a trois nouvelles personnes. Mais il y a un bon roulement à la GE. Oui, un roulement. Si on veut. Un roulement de... On pourrait pas dire autre chose. nouveauté au Carnaval d'étudiants 2015. Le début de session s'annonce mouvementé, Myriam. Oui, ben un petit portrait là, pour le Carnaval, ce qui s'en vient. Moi, ce que j'ai retenu, ça va être le soccer dans les bulles gonflables. Mais non. Tu sais, là, comme des fois, il y a comme des vidéos là, ces temps-ci là, sur plastique. Internet. Mm-hmm. Puis on va pouvoir les essayer. Hein? Fait que je capote. Très bonne idée, tout ça. Évidemment, il y a l'éditorial de Sébastien F. Gartin sur les choses cachées et les choses publiques. On en parle avec lui tantôt, mais ça parle, entre autres, de pourquoi un éditorialiste existe. Ouais. Oui, ben, c'est une petite chronique de fin de session et oui, tout à fait. Génial. Ensuite, on reste en actualité pour aller voir nos segments récurrents comme la recherche à l'UQTR sur les ingénieurs. Est-ce qu'ils sont les designers de demain? Oui, ben c'est une rencontre avec Alexandre Nana. Il était à la GE, lui aussi, d'ailleurs, l'an dernier. Doctorant en ingénierie, qui fait sa thèse sur le principe du one click. Et il dit que d'ici quelques années, ça devrait révolutionner le travail de l'ingénieur, qu'il ne va plus concevoir une forme, il va juste l'optimiser. Dans les logiciels, à lire. Tout à fait. Je sais pas ce que j'ai à m'étouffer en ce moment. Un autre segment récurrent, c'est anciens étudiants. Que sont-ils devenus? Oui, ben encore une fois, sur écoute, c'était pas voulu, là, mais on a une petite thématique ingénieur. C'est okay. André Ferland qui a fait son bac ici à l'UQTR et que là, on voit... Parce qu'on se demandait qu'est-ce qu'on fait avec un bac en ingénierie. Ben oui. Mais la réponse dans la Zone Campus. Bien sûr. De nombreuses alternatives s'offrent aux étudiants. C'est parce qu'il y a une fermeture bien triste et malheureuse du certificat en intervention psychosociale à Longueuil et Sorel-Tracy. Oui, bien Mathieu, tu dis que c'est triste et malheureux, mais on a appris que finalement, ça ne l'était pas tant. Ben ça, non. C'est qu'il y avait ouvert ce programme-là pour, dans le fond, subvenir à une demande qu'il y avait dans cette région-là à un moment précis, puis là, il se trouverait qu'il n'y a comme plus vraiment de demande pour ce programme-là, fait que tant qu'à... C'est que le besoin est subvenu. Ça se dit. Ben, tant mieux, ça va mieux. On passe en société maintenant avec plusieurs chroniques, il y en a cinq. Commençons avec Kevin Gaudreau et Entre les deux pôles. Oui, qui nous parle de la dépression avant ce temps des fêtes. Donc, il nous dit que Kevin Gaudreau, qui est au doctorat en psychologie, la venue de la dépression peut être alimentée par différents facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Malgré certaines caractéristiques typiques de la dépression, il y a toujours des facteurs personnels uniques et colorés par l'expérience de la vie de la personne. Comment peut-on présenter la dépression en ne faisant pas de généralisation abusive à propos de son expérience, mais tout en reconnaissant sa présence? Ce mal du 21e siècle. Ah oui. Dans Tout est bizarre, Nicolas Gauthier essaie de nous démystifier Noël. Oui, il dit, nous y sommes enfin, la magie de Noël en peste. En peste. En peste, mais les centres commerciaux. C'est vrai, il dit ça pour vrai? Oui, mais moi j'aime fou le Noël. La musique traditionnelle étouffe nos oreilles. La neige s'accumule, les lumières pullulent. Le kitsch est de mise et c'est le retour du haut très sacré ciné-cadeau. Je dois le confesser, j'adore Noël. C'est lui qui dit ça, et moi aussi. Le kitsch et Denise aussi. Pas juste le kitsch et Denise. Ben, si vous étiez à l'improvisation hier soir, on avait tous des beaux pulls de Noël très kitsch. Oui, sauf moi, je portais juste un pull que je porte habituellement aux fêtes. Ensuite, c'est Normand. Peut-être qu'il est kitsch. C'est ça. Normand Leclerc, qui, dans sa chronique « Changer la vie », nous parle de la Journée mondiale de l'orgasme le 21 décembre. Tout à fait. Croyez-le ou non, le 21 décembre, le jour le plus court de l'année, sera la Journée de l'orgasme. C'est-à-dire le jour où les gens libérés auront envie de rester longtemps au lit, en bonne compagnie. Donc, il nous parle de cette magnifique chose. Voilà. Eh bien... dans le monde en question, réflexion d'un étudiant international. Oui, j'ai trouvé intéressante cette chronique-ci. Il y a sont deux hein, pour cette chronique-là. Il y a Fabrice Odeke et Sheila Gaudreau. Il y en a beaucoup que c'est Sheila qui a écrit pendant la session. Puis, mais ils ne disent pas quand c'est qui l'a écrit, dans le fond. Okay. Mais celle-là, c'est clairement Fabrice, même que c'est écrit. Puis c'est ses réflexions à lui en tant qu'étudiant international sur... il s'est rendu compte parce que... Lui, il est africain. Et comment ici, la religion peut être un sujet délicat. Oui. Il s'en est rendu compte, puis c'est ça qui nous fait part dans son texte. Mais je trouvais ça vraiment intéressant de voir les différences. Parce que là-bas, tu peux t'asseoir dans un autobus, puis la personne à côté de toi commence à te parler de religion, puis c'est tout à fait normal. Acceptable. Tandis qu'ici, c'est plus délicat. Pas mal, oui. Voilà. Comment se passe avec moi? Je me souviens au pouvoir soyez, c'est évidemment la chronique de Jean-François Veilleux qui nous parle de la désobéissance civile. Oui, le 29 novembre dernier, des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue. D'ailleurs, on a un article sur la marche qu'il y a eu à Québec. Il y a des étudiants de l'UQTR qui sont allés en page 2, manifestation contre l'austérité. Mm-hmm. Donc, le 29 novembre dernier, des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue malgré la froide température et surtout au-delà des intérêts partisans et des idéologies gauche-droite pour manifester leur mécontentement contre un gouvernement qui agit sans écouter la population. J'étais parmi eux. Voici ma réflexion sur cette journée. Un long texte rempli de contenu, comme toujours. On ramène la section opinion pour ce numéro-là avec deux textes. Oui, on a deux lettres d'opinion. C'est la première fois de la session, oui. J'ai le goût de profiter pour dire aux étudiants qu'ils ont le droit d'envoyer des lettres ouvertes comme ça et à publier dans le journal étudiant. Donc, on en a une, encore une fois, sur l'austérité de Jean-René Leblanc, qui est étudiant au baccalauréat en psychologie. Et aussi une lettre de conseil d'administration de l'UQTR, une lettre ouverte. Ah, cool! Qui parle aussi des compressions budgétaires. Donc, c'est la section opinion. Ce qui nous amène à Art et spectacle, avec les soirées cachées, c'est fou, une dernière édition pour 2014. Oui, ben c'était quand? C'était jeudi passé, le jeudi 4 décembre. Il y avait, pour la dernière soirée 2014, parce qu'on sait qu'il y a une soirée par mois, des soirées cachées. Sauf en janvier. Sauf en janvier, la prochaine est le 12 février. Ouais. Et c'était Octoplot. Et en première partie, il y avait Noé Talbot. Il y avait moins de monde que les autres soirées, sauf que... Mais il avait mis la barre haute avec Groenland aussi. Oui, c'était vraiment un bon coup. Ouais. Mais quand même. Génial. Ensuite, Michel Perozzini en visite à l'UQTR pour l'exposition Face Nord. Oui, mais... Excuse-moi, j'ai encore une fois laissé... Je suis pas le lord des choses, mais ça existe, ça a eu lieu. Soirée de compte au collège En fait, c'est une exposition qui a lieu en ce moment à l'atelier Silex, puis elle est venue faire une conférence ici exclusive pour les étudiants de l'UQTA. Fantastique. Artiste de Strasbourg. Oui, donc je disais soirée de compte au collège La Flèche, le temps d'un compte pour venir en aide. Oui, mais tu sais, cet été, là, le ministre Bolduc avait fait une drôle de déclaration comme quoi les enfants allaient pas mourir si on rajoutait pas de livres dans les écoles primaires. OK. Et là, il y a des étudiants du Collège La Flèche qui ont pris l'initiative d'organiser une soirée bénéfice pour acheter des livres dans les écoles primaires, pour montrer que c'est important. Mm-hmm. Et c'était une vraie soirée canadienne, presque. Il y a eu des chansons, il y a eu des contes. Marc-André Fortin, je sais pas si... Il joue à la Lime, oui. D'ailleurs. Mm-hmm. Et ils ont ramassé quand même 1 300 $ pour cette soirée. Ben, bravo! Bravo à vous! Maintenant, deux articles de Marie-Christine Perra. Oui. Commençons avec la Galerie R3. Il y a eu un vernissage et là, son titre est assez suggestif. Pipi caca poil. Tout à fait. Ben, en fait, l'exposition en soi l'est. Oui, ben oui, et c'est ça. Pas pour rien que... en fait, je vais vous expliquer le titre et vous allez comprendre l'exposition. Okay. Au milieu de la salle, il y a un pot de... de numéro 1. Numéro 2 ah. Et le poil. les poils ne sont pas numéro 3. Et mais... donc, c'est une exposition de... c'est projet synthèse interdisciplinaire en art qui présente son projet synthèse à la Galerie R3. Et qui, ça s'appelle « Sexposition et perception ». Et c'est ça, 5 étudiants qui ont fait un vernissage un peu différent de la formule traditionnelle. Et beaucoup axé sur le sexe et le désir. Une exposition peut-être choquante et dérangeante. J'imagine, je ne peux qu'imaginer. Et au Théâtre des gens de la place, j'espère que tu te sens concernée un peu, Myriam. C'était la pièce Les Voisins dans laquelle tu joues. Oui, tout à fait. Les Voisins, l'avez-vous? Ben Mathieu, là, toi, je sais que tu l'as vu, oui. Mais est-ce que tu as déjà vu Les Voisins, Stéphanie? Non, j'ai jamais vu Les Voisins. C'est une pièce... c'est les auteurs de La Petite Vie. C'est une pièce culte du répertoire québécois. Et oui, c'est ça, je joue dans cette pièce. Oui. Tu joues le rôle de la jeune fille dévergondée. Oui, je me fais faire des tatous pour l'occasion. Mais la critique est bonne. Les gens ont beaucoup aimé ça. Puis c'est... Surtout... C'est ça, avant le temps des fêtes, puis on a comme plein de réunions, là, ces temps-ci, avec plein de monde, mais c'est comme ça dénonce l'insignifiance des conversations qu'on peut avoir pour qu'on se dise rien, finalement. C'est très, très, très, très, très léger. Oui, c'est très léger. Mais c'est ça qui est le fun, des fois. C'est tu vas là pour relaxer, tu vas pas là pour penser. Ah oui. Mais là, justement, on rejoue les dernières jeudi, vendredi et samedi, okay. Là, qui vient. Donc, vous avez encore le top. C'est 15 $ pour les étudiants. Oui, et c'est Théâtre des gens de la place, donc ça se passe à la salle Anaïs Salarousseau de Maison de la culture de Trois-Rivières. Tout à fait. Des bons comédiens, pour vrai. Ben, maison pour voir le casting, il était absolument génial. Ensuite, on a 4 chroniques en arrêt spectacle. On a dans les lunettes du Frisé. Ah, ça, c'est notre ami Félix-Antoine Desilets-Rousseau. Hein? Ben oui. Ben oui. On a Mange-Li M avec Camille Durand-Plourde qui nous parle d'un livre qui se nomme... T'as un peu? Il est ici? On met tout sauf le titre hein, dans ça. Sport et divertissement. Oui, le premier roman de Jean-Philippe Barry-Guerrard. Bon. Ensuite, l'allée dit bimensuelle d'Alexandre Carignan sur Madeleine Parent, la femme aux mille causes. Et cinéma d'aujourd'hui, où on parle de Saint-Vincent et les yeux jaunes du crocodile. Ça, c'est des critiques cinématographiques. J'aurais pas mieux dit, Mathieu Plan. On reste dans l'arrêt spectacle pour le spectacle d'Alexandre Poulain au Centre culturel Pauline Julien. Oui, ben ça, c'est ce qui clôturait la programmation d'automne du Centre culturel Pauline Julien. Il y avait Alexandre Poulain, c'est vendredi dernier, qui présentait son album Le Mouvement des Marées. C'est fou, était là d'ailleurs. Oui, on était là, il y avait l'émission en direct sur nos ondes. Voilà, donc vous pouvez avoir un compte-rendu écrit aussi de cette belle soirée qui a fait, dans le fond, 3 semaines avant le spectacle, c'était complet. Oui. Ils vont faire une supplémentaire au printemps. Exactement, et je peux te dire, si tu sais pas, que la seule façon de se procurer exclusivement des billets pour la supplémentaire, c'est en ce moment sur le cifou.ca, cliquer sur la bannière en haut de la page. Pour vrai? Je sais ce qu'on me dit. Ah, ben là, allez lire l'article et allez acheter vos billets. Voilà. en loisir, on a bien sûr l'illustration d'Alexandre Laramie-Zwicky derrière le rideau. Cette fois-ci, c'est un lutin malin qui a apparemment un trouble obsessionnel compulsif qui nous a dit son petit témoignage. Tout à fait. On vole pas les pages d'une bande dessinée quand même. En sport, on commence avec un sport qu'on a à ma connaissance, peut-être pas du tout couvert de l'histoire de son campus. Mais l'histoire, mais là, c'est je pas... Je ne crois pas. Oui, la boxe. La boxe. C'est un étudiant en communication sociale de 24 ans, François Pratt, qui fait de la boxe depuis longtemps. Il y a environ 80 combats chez les amateurs. Il y a 5 titres de champion canadien. Et là, il se lance chez les professionnels. Oui. Donc, c'est quand même impressionnant. Pratt chez les pros. Mais je ferais jamais ça. Hein? Ben non. Et moi donc. Voilà, le saut chez les professionnels. Ouais. Une autre nouvelle un peu plus... Ben, je sais pas si c'est triste, là, je le connais pas personnellement, mais c'est le coach de soccer masculin qui a perdu son poste. Mm-hmm. Dans le fond, ça n'a pas été renouvelé. On sait pas encore ça va être qui le prochain coach encore. Je sais pas si ça va sortir avant les fêtes ou après. On va être là. On va être là, mais au moins, il garde un poste quand même chez les Patriotes. Donc, ça va pas complètement. Mais on dit du côté du SAPS, Service de l'activité physique et sportive, que c'est un changement de direction qu'ils veulent instaurer chez l'équipe de soccer. C'est ce qui se passe dans les grandes corporations. Hockey, maintenant, défaite de 4-3 face à Carleton en tir de barrage. Dans le fond, c'était le dernier match avant les fêtes pour les Patriotes en hockey et ils l'ont perdu. Bon, c'est tout ce qu'il y a. On peut pas toujours gagner, là, les Patriotes. Ben non. Non, mais ils sont super forts d'habitude en hockey. Il y a tout plein d'autres sports, évidemment, couverts dans le campus, mais on finit avec le cheerleading. C'était leur première compétition dimanche dernier, puis leur objectif, c'était de finir troisième le plus souvent possible. Et pour la première compétition, ils ont fini troisième. Ah, mais donc, bravo. Ça commence bien. Ben oui. C'est hot, c'est comme dans le tout pour le tout, là. Ils font vraiment des affaires sur un gros tapis, là, en compétition. Je sais pas s'ils aiment la comparaison avec le tout pour le tout, là, mais... Ben, moi, c'est ma seule référence. C'est bon, ça? Mais sérieusement, là, s'il y en a une à Trois-Rivières, là... Bon, je regarde l'horaire, mais j'ai le goût d'aller voir ça. Ça m'impressionne, moi, du cheerleading. On dit sûrement pas une partie. J'ai déjà fait des auditions, moi, pour être cheerleader. Puis on t'a pas pris. Mais dans le fond, c'est une de mes amies qui m'avait dit « Ah, c'est les... c'est comment un camp de recrutement ce midi, c'était au secondaire. » OK. Pour le cheerleading. Moi, j'ai jamais fait de danse, rien. Ils m'avaient pas pris, puis ils l'ont pris. Je l'avais accompagnée. Ah. Bon. Belle histoire touchante. Ben, c'est ça. À défaut d'y aller, je pourrais peut-être les regarder. Peut-être te taper un marathon de... Le tout pour le tout, sinon. Il y en a comme 15, ça, je pense. Ah, mais il y a juste le premier qui est bon. Ah, okay, c'est comme l'original. Et je voulais pas t'offusquer. Tellement. Gorge pas mon 13 ans. Ouais. Donc, le volume 10, numéro 8 du Journal Zone Campus en kiosque jusqu'au 13 janvier 2015 et à partir d'aujourd'hui, donc sur le campus du QTR, dans plusieurs commerces tout à Trois-Rivières. Là, ça veut dire que ça sent vraiment la fin de session. Oui. Fait que le prochain sort en janvier. Puis, profitez-en aussi pour lire mon petit mot de la rédactrice qui parle du temps des fêtes et de tout ce qui a déjà été dit, mais que j'avais envie de redire finalement. D'une autre façon, comme toi seul puisses le faire. Mais c'est une petite anecdote qui nous est arrivée. Tu étais là, Mathieu, d'ailleurs. Ouais, je m'en souviens. Une dame qui est entrée dans le bureau avec un beau petit message à nous dire. Un message de partage de décorations et de recyclage. Non, mais c'est beau. C'est très beau. Allez, c'est dans le nom de son campus. Voilà. Zonecampus.ca pour le blog. Myriam Lortie du Journal Zone Campus, rédactrice en chef. On te remercie beaucoup. Merci à vous. Bon bonne matin. Oui, bon matin. Bonne journée. Bonne soirée après ça. Bonne nuit. Non, c'est ça. La lime ce soir, tant que j'ai le micro. Là. Tant qu'il a plugué les affaires. Tant que j'ai pas éteint ton micro. Je peux encore parler. Non, mais c'est le dernier match de la lime aussi avant les fêtes ce soir. C'est vrai ça. Rouge contre vert, couleur de Noël. Bravo. Ah. OK, je m'en vais. Okay, merci, Myriam. Merci. OK. on a parlé tantôt d'Alexandre Poulain qui était en spectacle un peu sur nos ondes en partie. Donc, écoutons une pièce d'Alexandre Poulain. Bonne idée. Voici comme des enfants en cavale. Je suis fils d'hiver et toi, fille du Saint-Laurent. Nos rêves en bandoulière, on n'a pas peur du grand vent. Mais les marchands d'avenir voudraient nous faire croire qu'on n'a rien à dire quand s'écrit notre histoire. Moi, je ne veux pas m'éteindre et rentrer dans le rang où les vies sont les mêmes et les rêves sur un banc. Ta-da-da-da-da-da. Ta-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da. Ta-da-da-da. Comme des enfants de cavale qui refusent de dormir quand s'éteint leur étoile et qu'il faudrait vieillir. Allons, partons ensemble vers des contrées sauvages où les gens nous ressemblent et n'ont qu'un seul visage. Au début, nous serons seuls, puis viendront des milliers à croire que la boussole est salement déréglée. Et je ne peux pas te dire de quoi sera fait demain, mais à craindre le pire, je sais qu'on ne fait jamais rien. J'ai pas peur de la route, des surprises en chemin. J'ai même croisé le doute dans les lignes de ta main. Mais j'ai jamais voulu d'une vie en package. J'aime mieux sourire à l'inconnu. Si l'inconnu a ton visage. Je sais le jour qui passe et qu'il ne revient guère, que le temps nous enlace pour nous rendre à la terre. Et puisque l'on devient la poussière dans le temps, demain nous ne serons rien, mais aujourd'hui on est vivant. Que ton cœur est un poème, qu'il rime sous mes doigts, que tes cheveux s'en mêlent en dansant sur ma voix. Laisse-moi te redire, c'est pas nous les méchants, on est des milliers à le dire et à répondre présent. C'était Alexandre Poulain et Comme des enfants en cavale. Au retour à Assemblage Rocky, c'est sa plus simple expression avec Stéphanie Paradis. Ok, oui! Merci. Yeah. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis, elle est Stéphanie Paradis. Toi, c'est Mathieu Plante. C'est en effet vrai et c'est l'émission matinale en pièces détachées en ce mardi matin. Hein, je l'étudie ce mardi matin? Oui, mardi. 9 décembre 2014. Matin, c'est important, matin. Du 9 décembre. Oui. En 2014, l'heure du Seigneur 2014. C'est le moment de parler des vraies choses, peut-être même des références religieuses là-dedans. On ne sait pas, ça pourrait arriver, tu sais. Oh, on ne sait pas. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Voici sa plus simple expression. Sa plus simple expression. Moi, je vous explique un peu pourquoi on dit ça, ces affaires-là. D'où ça vient, ça? Hein? Hein? Hein? Puis toi, t'es tellement mêlé, mais tu vas essayer de m'aider. Oui, c'est comme les expressions Origins. S'il y avait un film hollywoodien à faire là-dessus. Oui, exactement. Qui serait à l'affiche en même temps que Wolverine, probablement. C'est ça. Petite, X-Men. Petite thématique. Comment? X-Men, il y avait ça, je pense, Origins aussi. Il y avait ça. Wolverine, c'est X-Men. C'est ça, je disais. Donc, c'est un X-Men. Ouais, ouais. Donc, on voit qu'il y a une petite thématique corporelle cette semaine. Ooh, donc, the body. Les parties du corps. Okay. Donc, j'imagine que ça te touche personnellement parce que tu as des parties du corps. Je me touche personnellement, c'est ça l'affaire, c'est ça. Donc, on va commencer avec une petite expression quand même bien connue. Se lever du pied gauche. Ouais. On a oublié d'avertir au début de la chronique, j'arrête pas à chaque semaine vouloir le faire, d'avertir le public que nos références sont souvent sexuelles dans cette chronique-là. Tes références? Mes références à moi sont souvent sexuelles dans cette chronique-là. Mais soyez avertis. Donc, tu disais, c'est quoi? Se lever du pied gauche. Ouais, se lever du pied gauche, c'est quand t'es vraiment, vraiment excité, t'as un fétiche sur les pieds et tu, ça te lève, ça te fait lever du pied gauche. Aussitôt qu'on touche avec un pied gauche, oups! Ah ouais. Le droit, ça fonctionne pas? Regarde à vous. Le droit, non, mais c'est ça. C'est comme un demi-fétiche. Ouais, mais c'est parce que le gauche est plus bad boy, you know? Tu sais, comme dans le temps, les gauchers se faisaient frapper parce que c'est la main du diable. Il est bad foot. C'est la même chose pour les pieds. C'est plus un petit peu plus rebelle d'aimer les pieds gauches. D'accord. Ouais, mais en fait, pas vraiment. Non? Se lever du pied gauche, c'est être de mauvaise humeur dès le réveil. Arrête-moi ça, je fais jamais ça. Tu devrais apprendre à te lever du bon pied et mal commencer une journée. J'ai donc, pas de base de lit, fait que je peux pas me lever d'un bord ou de l'autre. Il est collé sur le mur puis il y a pas de base de lit. Mais tu te lèves avec quel pied? Je veux dire, faut que tu te lèves d'un pied. On parle pas du pied de lit, on parle de tes pieds je à toi. Je lève littéralement du pied gauche, je pense que c'est vrai. Bon, c'est ça. Mais là, fais une pirouette et lève-toi du pied droit. On va essayer, on sait jamais. Okay. Donc, tout homme normal, hein, entre guillemets, est droitier. C'est bien connu, hein? Il est donc très maladroit ou très gauche de ses membres gauches. Par conséquent, tout homme normal, entre guillemets, j'ai pas envie de me faire lancer des roches par les gauchers. Mais de toute façon, son gaucher doit mal tirer. C'est ça, faut viser. Je m'excuse. Donc, tout homme normal se lève de son lit en commençant par poser son pied droit par terre. Mais non. Hein, c'est une totale évidence. Hein? Thèse. Donc, ouais, tellement. Si tu dors du côté gauche du lit, normalement. Je dors au centre de mon lit, hein, clairement. Ouais, mais de quel côté tu te débarques, c'est ça qui est. Du côté gauche, parce que le côté droit est contre le mur. Donc, c'est ça, c'est pas super optimal d'essayer de débarquer du côté du mur. Pas vraiment. Donc, si par malheur, on vient poser d'abord son pied gauche à celui du lit, c'est que, par métaphore, la journée démarre très mal, ce qui, on le conçoit bien, peut mettre de fort mauvaise humeur de se lever du pied gauche. Même si ça semble tiré par les cheveux comme explication, faut pas chercher plus loin l'origine de cette expression. Donc, cela dit, on ne peut oublier quand même que gauche se disait senestre, donc S-E-N-E-S-T-R-E, un mot qui a la même origine que sinistre. Hein? Alors, on ne peut s'empêcher de faire un lien même s'il est ténu. Hmm. Ensuite, avoir le cœur sur la main. Ouais, avoir le cœur sur la main, ça, c'est... C'est quand tu... oui, c'est lors de relations sexuelles vraiment intenses, hein? Et que tu fais ça, t'as un sugar daddy, mettons, t'es une fille ou un peu importe, un gars, peu importe. Mais t'as un sugar daddy, tu sais. Puis là, ben, il est en train de faire une crise cardiaque, il a la main sur le cœur, tu sais. Mais il est mort heureux. Ah! Il a la main sur le cœur. Ou toi, tu mets ta main sur le cœur, c'est un des deux. Ben, non, c'est un peu moins sinistre, moins sinistre. Sinistre. Donc, c'est avoir le cœur sur la main, c'est être généreux, tout simplement. Non. Donc, le cœur est un organe éminemment baladeur, hein, parce que lorsque vous l'avez au bord des lèvres, c'est que vous avez des nausées. Si vous l'avez sur les lèvres, c'est que vous êtes franc ou sincère. Mais si vous l'avez sur la main, c'est que vous êtes prêt à offrir votre bien le plus précieux et que votre générosité ne fait donc aucun doute. Comme métaphoriquement, le cœur représente aussi la force d'âme. Nous avons finalement là un ensemble d'ingrédients qui ont pu provoquer la naissance de cette locution à la fin du 18e siècle. Ah, intéressant. Croiser les doigts. Croiser les doigts, ben, c'est une façon d'empêcher le partenaire sexuel masculin de se rendre trop vite au but objectif à atteindre. Donc, tu fais un croisement des doigts en t'imprégnant son engin entre tes doigts. Tu serres vraiment comme il faut. Puis ça empêche... Le. Ouais. Mais tu dis n'importe quoi, là? Ben non, jamais je ferais ça. Non, mais c'est parce que là, c'est intense, n'importe jamais quoi. Jamais je ferais ça. Croiser les doigts, c'est conjurer le mauvais sort ou faire les vœux les plus ardents pour le succès d'une affaire. Le mauvais sort, tu l'as dit, le mauvais sort de l'engin masculin. Donc, la croix est le principal symbole du christianisme, donc ça. Oui, on parle de religion. Ah. Alors, quel meilleur signe formé que celui d'une croix pour conjurer le mauvais sort, hein, si c'est le symbole du christianisme? Donc, éloigner les esprits malfaisants qui grouillent et empêcher des malheurs divers de s'abattre. Donc, bizarrement, cette expression semble nous venir d'une simple traduction littérale de l'anglais « to cross one's fingers okay. », introduite chez nous par des gens qui auraient trouvé cette forme beaucoup plus chic que notre trivial « toucher du bois », qui a le défaut, il faut bien convenir, de nécessité d'avoir du bois à portée de main. Parce que quand on veut éloigner les ennuis, il faut joindre le geste à la parole. Donc, c'est facile de croiser les doigts. On a toujours nos doigts avec nous alors qu'on n'a pas nécessairement du bois. Mais une autre explication justifiant la deuxième signification, la deuxième qui est faire les vœux les plus ardents pour le succès d'une affaire, viendrait d'une ancienne coutume. Donc là, si une personne exprimait un souhait en présence d'un ami qui, comme lui, voulait voir ce vœu se réaliser, il plaçait son index sous celui de son interlocuteur pour que les deux doigts forment une croix qui symbolisait l'union parfaite, son point d'intersection servant de résidence aux forces du bien. Donc, l'ami offrait ainsi son soutien moral. Wow! Hein, bizarre de geste qu'on fait plus vraiment aujourd'hui entre amis. Ramenons ça. Sans entrecroiser les doigts. Ouais. Ensuite, sans engin masculin entre les doigts. Non, il n'y avait pas de rapport. Rien à voir. Une tête brûlée. Ben, est-ce que t'arrêtes pas de me dire que ça n'a pas rapport? Mais clairement, la tête brûlée, on parle vraiment de quand tu te fais rôtir le bout dans... Non, tu veux pas que j'aille là, dans le feu. Mais qui te fait rôtir le bout? Ben, je sais-tu, moi, c'est un fantasme comme un... Arrête de juger les gens, Steph, je te trouve un petit peu... Ouais, arriéré. Arriéré, rétrograde, prude. Ben, c'est parce que je suis mormone. C'est la mort, c'est le mormonisme. Est-ce qu'on dit la mormonité ou le mormonisme, hein? C'est, hein? Je sais pas, ça m'intéresse pas. Une tête brûlée, en fait, c'est une personne exaltée qui se jette dans toutes sortes d'aventures au mépris des risques. Oh, le risque de se brûler le gland. Okay. Ouais. Donc, cette expression apparaît chez le duc Saint-Simon au 18e siècle dans ses mémoires, publiées bien après sa mort en 1829. Donc, si la tête désigne évidemment l'esprit ou la raison qui guide son possesseur, le qualificatif brûlé peut sembler un peu étrange. Pourtant, il ne faut pas oublier que lorsque vous êtes calme, vous faites les choses posément après avoir pesé les risques, c'est garder la tête froide. Donc, il paraît clair que les deux extrémités de la plage de température usuelle sont devenues des symboles d'un état d'esprit, avec d'un côté le froid, qui est associé à la raison, et l'autre le chaud, qui représente l'extravagance, la folie, voire la bêtise. Et lorsque la température est très élevée, donc lorsque le niveau de déraison devient déraisonnable, ça brûle. Donc, accessoirement, on peut aussi imaginer qu'avec un cerveau brûlé, son possesseur n'est plus en état de réfléchir et prend vraiment n'importe quel risque. Ensuite, sans laver les mains. Sans laver les mains, c'est bien sûr, on ne se lave pas les mains sans laver les mains. C'est ce que j'en comprends, cette expression-là. Donc, c'est quand ça ne te dérange pas d'avoir des relations sales, un peu. T'as pas peur des microbes, donc s'il va, puis tu te laves pas les mains, puis tout est beau. Ou sinon, c'est parce que tu veux directement pouvoir te lubrifier avec du Purel. Donc, tu fais l'action de glisser tes mains pour te laver les mains. C'est tellement ton genre de lubrifier avec du Purel. T'es tellement germophobe. C'est plus propre. En fait, sans laver les mains, c'était S'E N. Ah non, sans arrête. Laver les mains, je te jure. Donc, c'est décliner toute responsabilité de ce qui pourrait se passer ou ne plus s'en préoccuper. Aujourd'hui, nous allons évoquer une bien triste histoire vieille de deux millénaires et on va parler de Ponce Pilate. Tu connais Ponce Pilate? On n'en parle jamais assez, Ponzi. Ponzi! Donc, Ponce Pilate, qui est bien entendu le créateur du Pilates... C'est pas vrai, je trouve ça juste très drôle de voir le Romain en jupette faire... Donc, Ponce Pilate, c'est un procurateur romain en Judée, donc environ 33 ans après la naissance de Jésus. Oui, donc, Jésus. Et quand on est procurateur, on a des décisions à prendre, fussent-elles lourdes de conséquences. Ponce Pilate, là, c'était pas un grand duo humoristique à l'époque. Là, c'est comme Laurel et Hardy, sauf que c'était Ponce Pilate. Puis l'autre, là. Comme moi et l'autre, là, c'était Dominique Michel puis Denise Filiatro. Non, pas du tout. Okay. Donc, cette fois-là, Ponce Pilate doit ratifier la condamnation à mort de Jésus alors que sa femme, à la suite d'un rêve, lui a déconseillé de ne pas s'associer au meurtre d'un juste. Mais la foule excitée gronde et Ponce Pilate voit mal comment il pourrait ne pas lui accorder la victime tant attendue. Alors, pour se disculper, il prend l'eau et se lave les mains en présence de la foule en disant « Je suis innocent de ce sang, c'est désormais votre affaire. » Donc, les Juifs, sans imaginer non plus les conséquences, acceptent que le sang retombe sur eux et leurs enfants qui s'emparent de Jésus pour le crucifier. Et c'est de ce lavage de mains purificateur permettant de s'exonérer de la responsabilité d'un acte que l'expression est née. Donc, c'est suite à Ponce Pilate. Bravo, le grand duo humoristique. Se rincer l'œil. c'est clairement quand t'as mal visé lors de relations. Hein, ça peut arriver que tu te sois enlevé avant de moi, puis que ça l'a dans l'œil. Puis là, tu mets du Purel parce qu'il t'en restait. Parce que tu penses que ça chauffe moins du Purel. Il restait du Purel de tantôt, fait que juste pour le fun, puis là, tu regrettes instantanément. Bon, on fera le test tantôt, je te mettrai du Purel dans l'œil. OK, je pensais pas aller jusque-là, mais quand tu veux. Donc, se rincer l'œil, en fait, c'est assister, parfois en douce, à une scène érotique. Donc, cette expression date de la fin du 19e siècle. Donc, il semble qu'il s'agisse simplement d'une évolution de l'expression « se rincer le gosier ». Donc, ou la dalle, la valoir, le cornet, le sifflet, etc., qui signifie « boire », tout simplement. Donc, si pour « boire », sans modération, on se rince le gosier, alors pour « voir » des choses réservées aux adultes, il semble naturel de se rincer l'œil. Ah ben! Voilà. Ensuite, l'avoir dans le cul. C'est bien simple, notamment. Ça, je pense que là, chacun sa porte d'entrée, hein. J'ai rien à dire là-dessus. Chacun sa porte d'entrée. Toutes les entrées mènent au même endroit. Le plaisir. Mène à Rome, à Ponce Pilate. Parce que t'as le droit de la porte en avant. Je pense que tu peux prendre l'ascenseur aussi, mais ça, c'est un autre. L'ascenseur? Ouais, je sais pas ce que ça veut dire en fait en termes de sexe. Non, moi non plus. Je suis pas capable d'avoir une image. Prendre l'ascenseur. J'aimerais que quelqu'un nous trouve une raison pourquoi on utiliserait de prendre l'ascenseur lors de relations. Donc, l'avoir dans le cul, c'est être possédé, dupé, victime, malchanceux, vaincu. Ou encore avoir affaire à plus habile, plus rusé que soi. Donc, argotique et vulgaire, familial, dirait certains, cette expression est une autre forme d'être baisé, donc d'être possédé contre son gré et avec toute la connotation humiliante lorsqu'il s'agit de sodomie. Donc, cette forme de l'expression daterait du 20e siècle, mais au 17e siècle, on utilisait déjà « en avoir dans le cul » pour dire « être perdu, être vaincu ». Donc, pour ceux qui la trouveraient trop vulgaire, on peut la remplacer par « l'avoir dans l'os » ou « l'avoir dans le dos », qui sont des euphémismes pour le cul. Donc, le dos pour le cul, un peu comme soutien-gorge, gorge oui. pour les seins. Ce sont des euphémismes qui font très bien le travail. Oui, tout à fait. Parce qu'on a fini par les comprendre. Ouais. J'ai trouvé l'ascenseur dans les positions sexuelles. Ah, okay. Tu avais l'entrée dans l'avant, l'entrée dans l'arrière, tu prends l'ascenseur, évidemment. Ascenseur, c'est quand tu prends une nonne par derrière. T'as un ascenseur. C'est la réponse à la devinette. Non, j'aurais peut-être laissé faire. T'aurais laissé faire, celle-là? Moi. OK, ben on va prise 2. Suivant. Prochaine expression. Sans queue ni tête. Sans queue ni tête. C'est ce qu'on sait pas. Ce qu'on sait pas, c'est que c'est pas écrit comme ça. C'est sans queue ni tête. Comme vraiment elle est tight, OK? Fait que c'est juste, c'est plus serré quand tu t'insères. C'est sans queue ni tête. Non? Pas sûr à matin, toi. J'ai pas trop compris. Mais justement, sans queue ni tête, c'est quelque chose d'incohérent, d'incompréhensible. Donc, ce que tu dis ce matin, c'est sans queue ni tête. Juste ce matin. Ben, je te dirais particulièrement ce matin. En semaine, mettons. Donc, normalement, toute histoire qui tient la route comprend un début compréhensible et une fin du même acabit. Donc, le début qui généralement met en place les personnages et les lieux, c'est l'introduction ou la tête. Et la fin, c'est la conclusion ou la queue. Et avec ce qu'on trouve entre ces deux-là, l'ensemble est supposé faire quelque chose de cohérent et de compréhensible. Donc, si on enlève les deux extrémités de l'histoire, ça perd beaucoup de sa cohérence. Et c'est simplement ce que veut dire cette expression. Donc, sans queue ni tête, on a juste le milieu. Donc, aucune mise en contexte et aucune fin. Cool. On ne comprend pas. Ensuite, le nerf de la guerre. Tu sais que ce qu'il y a dans l'enjeu masculin, c'est un nerf, hein? C'est ça? C'est un nerf où le sang peut passer. Vraiment, tu connais tellement. C'est vraiment n'importe quoi, juste pour essayer d'avoir un... Ouais. C'est ça. Bon, on va dire que le corps caverneux est un nerf. Mais c'est ça, sinon ça n'a pas de sens, puis ma blague ne marcherait pas. Ouais, c'est ça, ça serait sans queue ni tête. Ça serait dans sans queue ni tête, t'aurais pas le contexte. qu'est-ce que je disais? Le nerf de la guerre? C'est ça, guerre, ben... Pénis, puis guerre, puis... Peu importe, faites votre propre guerre. Allez-y, arrangez-vous. Donc, le nerf de la guerre, en fait, on parle de l'argent. C'est tout simplement le nerf de la guerre. Donc, on sait que les nerfs sont ces fibres qui, dans le corps humain, transmettent, entre autres, les ordres issus de notre cerveau vers nos membres. Mais au 11e siècle, lorsque le mot apparaît, cette acception moderne n'est pas celle initiale. Donc, en effet, le mot « nerf » vient du latin « nervus », qui, au sens propre, désignait de manière beaucoup moins spécialisée un ligament, un tendon ou une fibre quelconque et qui, au figuré, signifiait « force »,« vigueur » et « partie essentielle d'une chose ». Eh bien, c'est ce sens figuré-là qui nous intéresse dans cette expression. Car si au Moyen Âge, une guerre servait aussi à s'enrichir en pillant les biens et les terres de l'adversaire ou en rançonnant l'ennemi, elle est bien plus souvent un gouffre financier en raison du coût des armes, de l'équipement nécessaire et de la solde des armées. si bien qu'il est difficile de mener correctement une guerre, là on dit correctement entre guillemets bien entendu, lorsque les caisses sont totalement vides, l'argent étant cette partie essentielle sans laquelle la guerre ne peut qu'être perdue face à un ennemi mieux équipé, car ayant beaucoup plus de moyens financiers. Donc, selon les lexicographes modernes, l'expression n'apparaît sous la forme actuelle qu'au cours du 17e siècle. Cependant, au 16e siècle, Rabelais parlait déjà du nerf des batailles et Jodel qui parlait du nerf de toute guerre pour parler de l'argent. Donc, ça remonte quand même à loin. Ouais. Mais ce qu'on ne sait pas aussi, il y a une deuxième définition à ça qui n'est peut-être pas listée sur ton site, là, mais on dit aussi souvent... C'est pas le nerf de la guerre, c'est le nerf de la guerre, comme les fusils nerfs. Fusils, ouais, ouais. Comme des fois, j'appelle mon entre-gens, c'est un super soaker. Super soaker, comme un super 30, ça rentre tout 30 autour. C'est mon nerf de la guerre. OK. OK. Ouais. La corde au cou, finalement. Ah oui. Cou, je sais pas si tu savais, des fois, quand t'es tellement large d'en bas... Du cou? Non, mais c'est ça, du coup, comme disent les Français. Non, c'est qu'à la place, c'est tellement large, comme chez les footballeurs, des fois, ils ont l'engin masculin très, très, très large, donc ils appellent leur engin un cou. Tu sais, fait que okay. La corde au cou, ben c'est un cock ring, finalement. Ah, OK. Ils sont obligés de prendre une corde. Une corde, c'est ça. D'accord. C'est une corde jaune, tu sais, avec les... Ouais. En ouais. fait, la corde au cou, c'est être complètement à la merci de quelqu'un ou dans une situation périlleuse ou désespérée. Donc, c'est par un long chemin que le mot « corde » a fini par désigner ce long truc en chanvre qui sert aussi bien à attacher des objets ensemble qu'à faire passer de vie à trépas des condamnés à mort ou qu'à gravir des sommets, par exemple. En effet, le terme vient apparemment du très ancien mot « hittite ». C'est pas le mot « hittite », mais c'est le mot est d'origine « hittite ». OK, OK, oui. Mais je sais pas c'est quoi cette origine « hittite », là. C'est... Ça vient pas d'hittite, ça. C'est ça, ça vient pas d'hittite, pantoute. Donc, ça vient donc du mot « carade ». Qui est passé ensuite au grec « cordet ». Donc, les deux désignant... Un cordet de bois, s'il te plaît. Pas pour la corde de bois. ouais, c'est ça. Donc, les deux désignant les intestins, les boyaux qui ont servi à faire des cordes avant que, dans la plupart des usages, le chanvre puis d'autres matériaux plus modernes viennent remplacer la tubulure digestive dans leur confection. Donc, le premier sens de l'expression qui date du début du 15e siècle, qui est complètement à la merci de quelqu'un, est une métaphore qui vient des vaincus qui se livrent. Donc, pensez à l'histoire de la reddition des bourgeois de Calais qui se mettent à la merci d'Édouard III en se présentant devant lui pieds nus, en chemise et une corde au cou. Donc, c'est de cette même image d'asservissement, mais à son épouse cette fois qu'on dit d'un homme qui se marie, qui se met la corde au cou. Donc, c'est un peu pour la même image. Donc, quant au deuxième sens, qui est dans une situation périlleuse ou désespérée, c'est également une métaphore qui vient bien évidemment de l'usage funeste qui peut être fait d'une corde lorsque le condamné à être pendu se trouve sous la potence, le nœud coulant déjà passé autour de son cou. Mmh. Voilà. Hey, les vaincus, hein? 20 asses! C'est la version originale de vaincus. Oh! 20 butts! Oh my God! Ouais. OK, ouais. Ouais. Oh my God! Ouais. Oh my God! Merci, Steph. Ça fait plaisir. C'était comme toujours très, très rafraîchissant et informatif et tout, malgré ma présence. C'est surtout pertinent lorsque tu interviens. Moi, ça me touche vraiment beaucoup. Vraiment? C'est je fais pour ça. Te toucher. Hein? Comment? D'accord. Pardon. Allô? Merci pour cette petite expression. On fait ça les mardis à 9h à Assemblage Rocky. Tellement. Ouais. On a le temps pour une dernière pièce avant de se quitter. OK. Fun, hein? Ah ouais, c'est rare qu'on a ça, le loisir d'une dernière pièce, parce qu'on a joué quoi? 3, 4? 4. 4. Donc, voici Dance All the Money des New Pornographers, juste parce que ça fit dans le thème de... À chaque semaine, c'est tout le temps des affaires de sexe dans mes... On dirait, je sais pas pourquoi, ça a comme... Ça a commencé... C'est pas des... C'est un besoin... Non assouvi, clairement. They love you with the lights on, turn them on, no, don't bother. Never been so loved, but The New Pornographers et Dancehall Domini à Assemblage Requis. Et c'est là-dessus que ça se termine pour aujourd'hui. Oh non! Nous serons de retour demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Demain, l'émission, on va être mercredi. On va voir c'est quoi demain, Master Steph? Ou dans la nouvelle. On va aussi faire 5 spéciales de répondre là. Oh oh! Ça, c'est l'émission de demain. Restez sur nos ondes. À 11h, sera le dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, je serai de retour pour le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. À 15h, c'est Rock Classique avec Alain Lefebvre. À 19h, réanimation pour du métal et de l'horreur. Et à 21h, progression chaotique avec du métal progressif. C'est fou.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission. Les balado-diffusions. On remercie aujourd'hui Sébastien. Sébastien F. Gartin. Mariam. Mariam Gary. C'est ça. Mariam Gary. Et toi, Steph. Hey, mais toi aussi, Mathieu. Ça m'a fait plaisir. On a oublié la l'huître, Boud. Ah, Gabriel Boud. Hey. Bien sûr. Et son analogue sur le bout terrain. Bout en train. Bout en train, Boud. À demain. Fouf, ça passe pas. Écrémé, on est de ça. Ça, c'est un mime, c'est de ça. Oui.